Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez m'excuser pour l'incident, mais je vous ai prévenu hier, s'il vous plaît. Je vous ai prévenu que les miasmes du bas astral, nos ennemis ne vont pas être d'accord. Parce que ce fut tout un combat pour moi, toute la nuit, pour pouvoir préparer cette affaire-là. Pourtant, j'ai eu l'autorisation de mes loges, c'est-à-dire de mes frères spirituels, mais je vous dis, c'est un grand combat. Ils vont tenter de tout faire. Je vous prie donc vraiment de contribuer à bloquer cette affaire-là où ils ne peuvent pas. Maintenant, là, il y a ceux qui continuent à me regarder sur l'autre partie. Je vais normalement. Ça a pris du temps parce que je voulais. Vous savez, je suis tout seul en studio. Je voulais donc normalement m'assurer que j'efface l'autre vidéo. Mais là, je suis revenu ici. S'il vous plaît, donc, invitez au maximum. Là, cette fois-ci, j'ai essayé de faire quelque chose. Bon, maintenant, s'il faille que moi-même, je piège maintenant les gens qui viennent me regarder ici, mais dans le but de vouloir embrouiller ou bien gaspiller, en fait, quelque chose qui est peu connu du public, mais que je veux aider tous ceux-là à épargner de l'argent au lieu d'aller dépenser des sous, aller voir des sorciers et des marabouts. Comment piéger les sorciers ou les sorcières? Donc, s'il vous plaît, veuillez me pardonner, hein. Nous pouvons encore nous rattraper. Invitez le maximum, s'il vous plaît. Invitez, car c'est vraiment très important ce que je veux partager avec vous. Je vous en prie. Donc, veuillez me pardonner, c'est cet incident-là. Mais j'espère que cette fois-ci, ils ne vont plus perturber ça. Nous allons nous assurer que tout va bien se passer. Merci encore. L'appliquer pour la technique de ce soir, ce qu'on appelle le filet mystique. J'ai un enseignement que j'ai donné hein, derrière cette chanson de Maman Prisca. Même elle était émerveillée lorsque je l'ai appliquée dans le monde métaphysique. Donc, je vous prie, je vous accorde encore au moins 5 minutes pour qu'on puisse démarrer. Parce que la pub que j'ai faite sur Facebook, sur ma page Facebook, a entraîné plus de 10 000 personnes. Alors, j'aimerais que ces 10 000 personnes viennent ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois de plus, donc, je cherche un peu encore de la musique. Nous sommes là pour 5 minutes encore, le temps de permettre tout le monde de rentrer. Je sais que beaucoup se sont découragés, ça buguait. D'autres sont encore branchés sur l'autre première vidéo qui n'a pas encore été bloquée parce que je ne suis pas encore entré dans mon studio là. Je vais bloquer ça tout à l'heure. D'accord? Mais entre-temps, je vous prie, s'il vous plaît, d'inviter le maximum de personnes, car cela est très indispensable. Nous vivons, malheureusement, les expériences que vous êtes en train de vivre sont des expériences qui montrent justement que les agents des ténèbres ne veulent pas le bien des autres. Oui, la planète Terre est devenue une véritable jungle où les plus forts et les plus malins veulent toujours profiter sur les plus faibles. Et quand je parle des plus faibles, c'est-à-dire les innocents, ceux qui vivent loin de la lumière divine. Et c'est ainsi que les plus forts, les plus malins, ils en profitent de faire de cette planète Terre un village de pillage, un village d'attaque, de manipulation psychologique, les manipulations socio-économiques et politiques. Mais s'il vous plaît, l'enseignement d'aujourd'hui, je ne viens pas attaquer quelqu'un. Je viens plutôt aider tout le monde afin d'être en possession d'une armure complète. C'est une vieille armure qui était utilisée depuis la nuit des temps par nos ancêtres. Depuis l'Antique, je voulais dire depuis l'Égypte antique, ils utilisaient toujours cette même technique. Mais le constat amer est que cette planète Terre, comme je le disais au début, les gens oublient que cette planète Terre, malgré le fait que certains se croient plus malins que les uns, eh bien, je leur rappelle que cette planète Terre, elle est régie par des principes immuables, des principes éternels, préétablis par les dieux, préétablis par le grand créateur des cieux et de la terre, celui qu'on appelle Dieu, l'énergie fondamentale. Et que ces principes préétablis feront en sorte que la planète Terre soit préservée et protégée des apprentis sorciers, protégée de tous ceux qui veulent faire du mal aux âmes innocentes, aux âmes sensibles. Surtout, ici, il s'agit des sorciers. Un sorcier, c'est un individu, un homme, une femme, armé de grandes connaissances ésotériques, spirituelles, mystico-spirituelles, et qui plonge qui est plutôt dans une autre dimension supérieure à celle du tradit praticien, lequel se contente de guérir le peuple, d'apporter la guérison par la connaissance de l'herbe, de la plante, de la racine. Alors que le sorcier ou le magicien, c'est celui-là même qui vibre sur d'autres hautes fréquences, comme votre humble serviteur. C'est-à-dire que vibrant sur ces hautes fréquences, est capable de neutraliser, est capable de faire du mal. Or, il n'en est pas ainsi. Un véritable mage, c'est celui qui s'assure de l'équilibre de la matière et de l'esprit. C'est celui qui s'assure que la planète Terre n'est pas attaquée. Car notre planète Terre, comme je disais, régie par des lois immuables, préétablies par le Créateur de l'univers, et toutes ces grandes lois cosmiques fonctionnent de manière harmonieuse et font en sorte que le véritable homme qui veut plonger dans le véritable savoir de se connecter avec le tout passe par un système que j'appelle le système de désindividualisation et de dépersonnalisation, c'est-à-dire reconnaître son ignorance, s'humilier et rentrer dans l'école de la connaissance afin d'arriver à l'état de réalisation. Mais cet état de réalisation, c'était un état qui, comme le mot le dit, vous êtes réalisé. Mais cette réalisation, elle ne peut être possible que par d'abord une prise de conscience individuelle, sans entrave, sans influence des programmations reçues. Les programmations reçues, ce sont les dogmes et les doctrines qui emprisonnent et embrigadent votre conscience, vous empêchant ainsi d'être libre dans l'éther, d'être libre de comprendre la fonctionnalité des univers. Et là, on parle des religions. Les religions vous embrigadent, mais pas toutes. Une véritable religion, c'est elle qui vient au secours de l'homme de manière ésotérique et exotérique, par l'enseignement révélé, donné par le gourou, donné par le prêtre, le pasteur, et ensuite, il a droit à l'accès aux connaissances secrètes. C'est ce qu'on appelle l'ésotérisme. Tout ce qui est secret pour mieux fonctionner et pour mieux piéger les esprits malins. Et c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. C'est pour comment nous pouvons piéger ces mecs qui veulent nous faire du mal. Et ceci s'adresse aux non-initiés. Ceci s'adresse aux non-initiés. C'est-à-dire les gens qui prient Jésus, les gens qui prient Mahomet, mais qui n'ont aucune notion d'ésotérisme ni de mysticisme avancé et qui ne sont pas forcément des grands initiés. Ça s'adresse à vous. Ça s'adresse également aux personnes qui ne croient pas au Dieu, mais qui sont victimes des maillets, qui sont victimes des pièges, qui sont victimes des filets, lesquels filets sont posés par des sorciers. Le mot sorcier ou magicien veut dire celui qui a réussi à maîtriser la matière. Il réussit à maîtriser cette matière et a une somme de connaissances assez immesurable. Une somme de connaissances qu'on ne peut point mesurer. Car ses connaissances deviennent connaissantes dès lors qu'il met en application ses connaissances pour le bien et pour le mal. Mais un véritable maître initié, il veille à l'équilibre des forces de la nature, n'utilise le mal rien que pour se justifier pour une action qui doit sauver une âme. Le mal n'est autorisé que pour pouvoir éclore de ce mal le bien, et non pas pour le plaisir de faire le mal. Oui, nous sommes, en tant qu'initiés, les piliers de l'équilibre de ces deux forces. Nous avons le libre arbitre du bien et du mal. Cela est notre rôle. La matière est essentielle pour notre survie. L'âme est l'essence primordiale. Et c'est ainsi que hier, pendant que j'étais là, en train de méditer, mon petit-fils m'a sorti un dessin. Voilà le dessin que mon petit-fils a fait. Alors, je lui ai posé la question, de quoi s'agit-il? Il me dit, il s'agit de l'homme, de l'esprit et de l'énergie. Sur ce, je vois un corps physique, un corps spirituel, lequel corps spirituel a une double polarité, et nous voyons le corps astral qui est la force agissante. Et c'est ainsi que le noyau qui est à l'intérieur de l'homme, c'est l'âme. Et l'âme, qui est donc une partie de Dieu, Dieu ayant créé l'homme à son image selon sa ressemblance, c'est cette partie-là qui intéresse les sorciers. Donc, du coup, nous allons démarrer. C'était juste une introduction de ma propre pensée et philosophie. Vous êtes libre de l'accepter ou de rejeter. Mais je crois que sur cette manière de parler, je ne lis pas un discours. Ça me vient droit du cœur, sous inspiration. Pour vous dire que la planète Terre, je ne veux plus me répéter. C'est ça, ce que je représentais sous cette introduction de 7 minutes. Donc, nous allons, dans 3 minutes, démarrer. Le temps pour vous d'inviter le maximum de personnes pour que je mette à votre disposition ce rituel qui va vous servir pour le reste de votre vie. Je me répète que ce rituel s'adresse à tout le monde. Je suis un initié qui n'est pas l'affaire du mal. C'est mal me juger et mal me connaître pour ceux qui passent le temps à m'insulter. Pour ceux qui passent le temps à me menacer, je ne suis pas méchant. En 47 ans bientôt, dans ce cheminement, sur ce cheminement spirituel, j'ai toujours pensé que je dois me mettre au service du peuple, rien que pour faire le bien. Et quand j'examine mon téléphone-ci et l'autre téléphone-là, je vous dis, c'est des centaines, des milliers de messages de personnes qui sont désespérées, qui sont victimes d'attaques, qui sont victimes d'attaques sorcières. N'oubliez pas, en tenant compte du dessin que mon petit-fils m'a présenté, pardonnez parce que là je n'ai plus ma vraie caméra, je suis obligé d'utiliser mon téléphone, lequel téléphone en a été interrompu, regardez bien de près et méditez-y. Ça sort d'un enfant de 8 ans. Il est en classe de CP2. Regardez bien. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai ajouté un corps physique et tout, parce que la manière dont il a dessiné, c'était très, ça m'a inspiré. Pour expliquer un peu ce phénomène de la sorcellerie, comment le sorcier vous attaque. Mais en réalité, il attaque quoi? Mais quand je vois le dessin là, tout ce que vous voyez en noir représente le corps physique, la matière. Tout ce qui est en noir, c'est la matière. Tout ce qui est en jaune, jaune, la couleur de la puissance et du pouvoir. Il s'agit de votre âme, de votre divinité. Car vous avez été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, vous avez été créé. Vous êtes donc une divinité vivante et active. Mais cette divinité vivante et active, elle évolue en fonction des mutations et en fonction du taux vibratoire. Qu'est-ce qu'on appelle un taux vibratoire? Mais au fur et à mesure que vous avancez dans votre connaissance, votre âme grandit. Votre âme ne grandit pas littéralement comme un corps physique, mais en d'autres termes, vous évoluez dans d'autres sphères supérieures. Et tout en blanc, je me suis rendu compte qu'il a laissé de l'espace entre le noir et le jaune, mais en même temps à l'intérieur du jaune. Ça veut dire quoi? Que notre âme évolue entre deux corps. Notre divinité évolue entre deux corps. On a besoin de deux corps, autant pour moi. L'âme a besoin du corps physique pour mieux apprécier et appréhender les goûts et les plaisirs de la planète Terre. Oui, nous avons besoin du corps physique pour faire des enfants. Nous avons besoin du corps physique pour avoir de belles voitures, une belle maison. Il n'y a aucun mal à cela. Mais nous avons aussi besoin, à travers notre âme représentée par la couleur jaune, pour pouvoir entrer dans d'autres mondes. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est souvent à travers le rêve. C'est à travers le rêve que vous vous retrouvez dans d'autres mondes. Le matin, vous vous réveillez. J'ai rêvé que j'étais à Mimboul. J'ai rêvé que j'étais à Ouagadougou. J'ai rêvé que j'étais à Dakar. J'ai rêvé que le président m'a salué. Mais j'ai également rêvé que j'ai été giflé. J'ai rêvé qu'un serpent noir me poursuivait. Eh bien, vous avez rêvé à cause de quoi? Vous n'avez pas rêvé. Pour ceux qui ne sont pas initiés, vous n'avez pas rêvé. Mais nous qui sommes initiés, vous êtes sortis inconsciemment de votre corps physique, ce corps matériel noir. Ce n'est que le sarcophage dans lequel se trouve votre âme représentée par la couleur jaune que vous ne voyez peut-être pas bien. Maintenant, la couleur blanche. Entre le corps noir ici, qui est la matière, poussière, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ce corps-là, lui, il nous connecte avec la matière pour mieux apprécier les quatre éléments de la mère nature. Les quatre éléments qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Maintenant, le blanc qui entre l'âme et le corps physique, et à l'intérieur de l'âme, c'est ce que nous appelons simplement le corps astral. Le corps astral, c'est ce qui permet à votre âme de voyager dans l'espace et le temps. C'est-à-dire de quitter la matière et d'aller dans d'autres mondes subtils. C'est cela qu'on appelle le corps astral. Vous avez sûrement entendu parler. Les chrétiens appellent cela la force agissante invisible. Et j'ai expliqué cela ici sur le chemin. Donc nous avons le corps physique qui nous permet de mieux apprécier le monde de la matière. Et c'est ce corps physique, malheureusement, qui souffre de toutes les maladies dont nous sommes victimes, n'est-ce pas? J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, ça ne va pas, je suis devenu impuissant, je ne fais pas d'enfant, mon nez est gonflé, mon œil ne voit plus bien. Tout ceci, c'est au niveau du plan physique. Mais en réalité, est-ce que c'est au niveau du plan physique que vous souffrez réellement? Nous, en tant qu'initiés, on explique que c'est plutôt dans le plan spirituel. Car on nous dit, à l'intérieur de la matière se trouve un corps grossier qui est le corps physique. Et ce corps dont je fais allusion, c'est notre âme. On l'appelle le corps spirituel, le corps divin. Et ce corps divin marche avec double, fonctionne sur double, deux polarités. C'est ce que je venais d'expliquer. La double polarité veut dire que votre âme, quand elle est consciente, c'est-à-dire quand je vous parle ici, vous me voyez, eh bien, la double polarité veut dire que au niveau du monde matériel, il a besoin du corps physique. Au niveau du monde spirituel, mon âme a besoin du corps astral. Voilà, j'ai mis ici en bas, corps astral, tout ce qui est en blanc, c'est la force agissante invisible. Mais maintenant, quand vous faites la somme de tout, vous vous rendrez compte que tous les autres corps se détruisent. Ça se passe comment? Le corps physique, lorsque vous mourrez, il se désintègre de votre âme. Car l'âme, c'est l'esprit, c'est-à-dire c'est la divinité, votre corps divin. En d'autres termes, si je veux parler terre à terre, l'homme est composé de deux corps. Il a un corps spirituel que les chrétiens ou les religieux appellent l'âme. OK? On appelle ce corps l'âme, le corps divin. Il a un corps physique le plus grossier qui peut se développer par le sport. Car c'est en faisant le sport que vous pouvez entretenir ce corps physique. Il vous permet donc d'apprécier, comme je le disais, je ne vais pas me répéter. Maintenant, pour le fonctionnement, donc quand l'homme meurt, qu'est-ce qui se passe? Le corps physique se détruit, il retourne à la terre. Poussière, tu es poussière, et c'est ainsi que il reste quoi? Rien du tout. Et que se passe-t-il pour le corps spirituel? Le corps spirituel retourne à l'origine. Il retourne à l'esprit original. C'est pour cela que nous disons, et je vous l'ai toujours dit dans mes enseignements, que l'homme, celui que j'appelle l'homme, c'est la combinaison des trois. Mais l'être humain, c'est cette âme désincarnée qui exprime son être-té à travers ce corps physique. Depuis le jour de la naissance, il s'est incarné par la volonté des maîtres ou par sa propre volonté. Ça dépend de vos capacités et du niveau incarnatoire et de vos vibrations, ou de la fréquence vibratoire de votre spiritualité, de votre esprit. Donc, quand vous mourrez, la matière retourne à la matière, et votre esprit retourne à l'esprit. Et les religieux vont vous dire, l'esprit retourne auprès de Dieu, va au ciel. Eh bien, voilà comment donc je représentais. Voilà, finalement, votre esprit ici, qui a un mélange du jaune. Le jaune représente le pouvoir, représente la puissance, et l'orange représente le soleil. Ben, dans les enseignements traditionnels égyptiens, effectivement, on nous explique que lorsque le corps matériel se détériore et qu'on vous met dans le sarcophage d'où on vous momifie, en réalité, votre âme retourne à l'essence, retourne vers l'énergie fondamentale et vous vous fusionnez. Mais avant ce retour immédiat, car ce retour final, c'est le retour vers l'immortalité, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes des immortels. Mais cette immortalité ne peut être possible avant que vous puissiez d'abord comprendre et connaître qui vous êtes. Car si au cours d'une vie consciente, pour ceux qui insultent les autres, pour ceux qui sont violents, pour ceux qui continuent à patauger dans le péché, comme on le dit chez les religieux, c'est-à-dire tous ceux qui continuent à faire le mal, les notions religieuses telles que purgatoire ou enfer ou ciel, je ne viendrai pas les juger. C'est autant des terminologies dogmatiques programmées pour essayer de sensibiliser l'homme dans son évolution spirituelle afin de le sensibiliser. Ceci sort des fonds latins écrits par l'Église catholique en 1513, avant l'élection du pape Jules César. Je vous cite cela, ce n'était pas dans le but réellement, ils savent que ce n'est pas la vérité. Mais je partage un peu leur avis parce que l'homme a besoin de quelque chose pour l'effrayer. L'homme a besoin d'une petite dictature pour l'amener sur le droit chemin. Car si vous ne dictez pas, si vous n'utilisez pas un peu la force et le pouvoir, l'homme ne peut pas changer facilement. Je ne partage pas forcément cela, mais je ne peux point les juger. Mais pour vous dire que votre âme donc atteint l'immortalité uniquement lorsque, au cours d'incarnation en incarnation, vous vous êtes mieux amélioré, vous vous êtes bien comporté, c'est-à-dire vous avez rempli votre tâche en tant qu'un élu de Dieu, en tant qu'un élu, un fils qui va être au milieu de Dieu, parce que nous sommes avant tout une divinité. L'homme au départ est esprit, car si vous lisez les écrits, l'homme insuffla dans les narines de l'homme poupée, Dieu plutôt insuffla dans les narines de l'homme poupée, parce que l'homme était inerte, il était, n'était pas vivant. Il a fallu qu'il insouffla dans ses narines de vie pour que l'homme devienne finalement un esprit vivant. Donc, l'homme est un esprit par essence. Il vit d'incarnation en incarnation. Mais au cours d'une incarnation, vous pouvez être un chrétien ou un musulman, mais vous continuez à faire le mal, vous continuez à commettre l'adultère, vous continuez à mentir, vous continuez à faire tout ce qui est mauvais, et même la sorcellerie. Pardonnez que cette introduction soit trop longue, mais il faut que je vous amène là-bas pour mieux comprendre les mécanismes. Alors, quand le sorcier vient vous attaquer, lequel corps il attaque? Il n'attaque pas le premier corps qui est le corps physique, décidé, représenté par la couleur noire. Ok? Mais il attaque le corps jaune. Car ce corps jaune, pour le pénétrer, c'est à travers deux voies. Il le pénètre par le rêve. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas initiés, le sorcier vient vous pénétrer dans votre rêve. Quand vous vous réveillez le matin, vous dites, « Mon Dieu, j'ai fait un rêve bizarre. » Mais ce rêve bizarre, ce n'était qu'un signe d'inspection du sorcier, comme je l'ai dit hier. C'est-à-dire que le sorcier vient vous inspecter. Et ainsi, vous êtes secoué. Ceux qui prient, ceux qui posent le genou devant le Créateur, ceux qui posent le genou devant n'importe quel Dieu, quelle que soit la religion que vous adorez, je vous respecte, mes frères. Car l'école, je voulais dire, la religion est une école maternelle. C'est la religion qui essaye de vous montrer les notions de Dieu, de le craindre et de vous rapprocher. Donc nous ne devons pas être trop durs vis-à-vis de vous. Je suis un initié qui ne soutient pas l'idée d'aller brûler les Bibles, d'aller brûler les Corans. Mais je suis plutôt un initié qui essaye de réveiller les consciences de tout le monde. Car moi-même, je fus un religieux. Dans les incarnations passées, je fus prêtre dans certaines religions. D'après les informations que je suis allé récupérer dans ce qu'on appelle les archives akashiques. Donc ceci étant, le sorcier attaque votre âme. Donc il passe travers le rêve. Ok? Maintenant, aujourd'hui, il a fallu que je vous donne toutes ces notions. Lesquelles notions sont également enseignées dans les grandes écoles ésotériques des Blancs. Partout où on vous enseigne ça. Que ce soit en Chine, que ce soit en Inde ou au Tibet, où je détiens des diplômes de maîtrise. On vous enseigne la même chose. Dans le Bouéti, chez nous, c'est la même chose. Dans le Bouiti, c'est une grande école. Le Bouiti, il ne s'agit pas d'aller manger le bois sacré n'importe comment, bouger les fesses, ou bien de devenir « je suis bouitiste » et aller donner le combo n'importe comment, coucher les femmes, faire le désordre. Non, non, non, non, non, non. Le Bouiti est une grande école de la spiritualité qui fait de vous des hommes meilleurs. La religion, normalement, devait faire de vous des hommes meilleurs, des femmes meilleures, des femmes soumises, des hommes respectueux, des hommes honnêtes, qui n'aient pas détourné les caisses de l'État, voyez-vous, ou qui n'aient pas pillé et tué. Mais malheureusement, la religion ne le fait pas. Mais voilà pourquoi nous, les initiés, on vient vers vous. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui me suivent, qui ne se sont pas encore abonnés, ou qui ont des parents, amis et connaissances, invitez-les à venir s'abonner. Qu'ils n'aient pas peur, parce que parfois je fais des coups de gueule sur ma page Facebook, mais rassurez-vous que lorsque vous venez ici, vous n'allez plus me reconnaître. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir sensibiliser vos âmes. Mon objectif, c'est de vous amener à l'essentiel. Si vous n'arrivez pas à vous en passer ou de vous en débarrasser de vos religions, je ne vous force pas. Je vous fais la suggestion suivante. Faites le syncrétisme. Le syncrétisme consiste pour vous de prendre tout ce que je dis. S'il y a quelque chose de beau, vous gardez, vous pratiquez. Tel que nous allons le faire tout de suite. Alors, j'ai trop parlé. Nous allons maintenant passer aux actes. Mais retenez et regardez bien ce dessin. Nous allons maintenant passer aux actes. Mais ces actes-là, je vais vous présenter quelques accessoires. Nous aurons besoin. Souvenez-vous, je vous ai dit que je vais vous montrer comment piéger le sorcier. Je rapproche ça de l'écran, pardonnez que c'est en anglais, the white wine vinegar. Donc, c'est du vinaigre blanc. D'accord? Mais là, c'est dans du plastique. Ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas grave, c'est du vinaigre qui est bon. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ben, voici un autre vinaigre. Ça. Voilà, vous avez besoin de ça. C'est ça qu'il vous faut comme bouteille. Quand vous faites n'importe quelle potion magique, que ce soit la protection, je suis en train de regarder parce que je fais également les bouteilles des hommes dont ils ont des problèmes de fonctionnalité des petits papas. Même quand vous faites des bouteilles pour le dysfonctionnement érectile, il faut toujours ça. Il faut des bouteilles qui ne sont pas plastiques. Pourquoi? Parce que les sorciers pénètrent facilement votre âme. Quand vous mettez des fétiches dans une bouteille plastique, tout vrai sorcier, ça me revient à l'esprit. Quand vous partez voir les tradis praticiens au quartier, que ce soit à Ouagadougou, à Abidjan, à Porto-Novo, à Lomé, à Libreville ou à Port-Gentil, quand vous allez voir ces tradis praticiens, s'il vous met le fétiche dans une bouteille plastique, ce n'est pas un bon féticheur, ce n'est pas un vrai. Non, c'est un faux. Ou bien s'il n'est pas faux, il est ignorant. Je vous le dis honnêtement. Pourquoi? Parce que vous verrez pourquoi la plupart des compagnies en Afrique, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils fabriquent beaucoup de boissons à travers des bouteilles plastiques. Ils font beaucoup de choses à travers les bouteilles plastiques. Regardez même quand on était à l'école, on buvait de l'eau. J'étais victime. Il y avait des petites jeunes béninoises qui nous vendaient de l'eau dans les sachets plastiques. Mais savez-vous que c'est dangereux pour votre santé? Mais quand on dit c'est dangereux pour votre santé, on ne voit que le côté physique. Mais en réalité, comme je l'expliquais sur mon chemin, c'est d'abord votre âme qui est atteinte. Donc, le vrai sorcier n'utilise pas des bouteilles plastiques. C'est ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu pour entrer dans la pratique. Donc, vous avez besoin de ça. C'est dans une bouteille en verre que vous devez faire le mélange qu'il vous faut. Ça, c'est un. Vous avez besoin donc de ça. Vous aurez également besoin du vin rouge. C'est là. Vous aurez également besoin de l'ail biologique. C'est là. Et cette ail a ce qu'on appelle la gousse. Et il y en a 10 au total. Et il vous faut de l'ail qui a 10 gousses. Et nous allons passer à la pratique. Bien. Je tiens à vous informer que tout sorcier est plus puissant. Tout vrai sorcier est plus puissant qu'un tradit praticien. Et ce n'est pas forcément tous les tradits praticiens qui sont également sorciers. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. J'aurais souhaité qu'il y ait des initiés qui me suivent ici. Et j'attends vos questions à la fin, rassurez-vous. Vous allez me poser des questions. Je m'explique. Un tradit praticien, il peut être un initié du Bouiti. Un initié du Bouiti n'est pas forcément un sorcier. Moi, ma sorcellerie, tous les pouvoirs que je détiens dans près de 27 loges, c'est-à-dire des temples, que ce soit maçonnique, rosicrucien, brésilien, tout, je ne vais pas le répéter tous les jours, vous connaissez ma vie, ce n'est pas le Bouiti qui m'a donné ça. Mais dans le Bouiti également, sur les 5 branches de Bouété, en commençant par le Bouiti d'Izumba, le Bouiti mère, vous pouvez évoluer dans la connaissance. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis qu'un enfant dans le Bouiti. Je me suis seulement initié, je mange mon bois sacré. Je ne suis pas mieux placé pour parler des profondeurs du Bouiti. Mais ce qu'il faut retenir, tout tradit praticien, que ce soit à Dakar au Sénégal, parce que j'étais au Sénégal, il y a beaucoup de tradit praticiens. Il y a l'hôpital moderne en face avec des médecins formés, et de l'autre côté, il y a l'hôpital traditionnel avec des médecins mystiques, herboristes, qui maîtrisent l'herbe et la plante de la brousse. Maintenant, celui qui maîtrise l'herbe et la plante de la brousse n'est pas forcément un grand sorcier, car un sorcier passe par de l'école, des connaissances, il passe dans des grandes écoles mystiques, il passe dans l'ésotérisme, autant pour moi, l'étude approfondie de tous les grands mystères, et il passe dans des grandes écoles mystiques, et son taux vibratoire est plus élevé qu'un simple tradit praticien. Son taux vibratoire veut dire que son esprit vibre dans d'autres dimensions. Je vous ai toujours dit, moi personnellement, je ne vous cache pas, je sors toujours. Je fais des sorties astrales. Sortie astrale veut dire ce qu'on appelle chez nous vulgairement, je n'aime pas ce mot, mais on dit sortir d'un vampire. Mais sortir d'un vampire, ce n'est pas forcément aller faire du mal. Mais justement, c'est ce que nous avons découvert, que c'est comme ça les sorciers viennent vous pénétrer. Et quand vous rêvez, en fait, vous sortez en vampire, mais inconsciemment. Pourquoi? Mais c'est ce qui nous explique qu'en réalité, votre véritable vous, ce n'est pas le corps physique que je vois, mais c'est votre corps spirituel. Parce que Dieu s'est incarné en vous. Vous êtes une partie de Dieu. Quand Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie, mais en réalité, vous êtes Dieu incarné. C'est ça qui intéresse le sorcier. Le sorcier ne s'intéresse pas à votre physique. Le sorcier, quand il voit un monsieur comme Moréon vient en train de s'exprimer ici, il est déjà rentré dans mon live, tenté de le perturber comme il a fait tout à l'heure. Mais le silence que j'ai pris, je l'ai canalisé. Et je sais qu'au niveau du Gabon, ils sont au nombre de 4. Je sais qu'au niveau du Bénin, il y en a 2. Je sais qu'au niveau... Waouh! Mon Dieu, qu'est-ce que vous me voulez là-bas, si loin de Kinshasa? À Kinshasa, il y a une maman qui est là assise, en train de s'énerver. Je n'imagine pas, mais je les vois. Je les vois ici. Donc, c'est pour vous dire quoi? Je les vois, non pas avec mon œil physique, mais je les vois à travers mon œil spirituel. Pourquoi? Parce que, ce que j'étais en train de vous expliquer, que l'initié, lui, il vibre sur un taux vibratoire très élevé. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que moi, je n'aime pas tout le discours. Hein? Beaucoup de gens m'invitent à gauche, à droite, oui, venez parler. Non, non, non, non, non, non. Je suis un initié. Le véritable initié des grands mystères, qui est un logologue, ne parle pas trop. Le parler est réservé à des conférenciers qui sont formés pour la circonstance. Le parler est réservé à des apprentis sorciers qui sont simplement des initiés livresques. C'est-à-dire, ils ont étudié des livres, ils sont curieux et successifs. Mais un véritable initié qui connaît les grands secrets de la vie ne parle pas trop. Il fait deux choses. Comme aujourd'hui, la technologie nous a autorisés. Eh bien, voilà, je viens vous expliquer ce que je veux vous expliquer. Ou bien, au cours des séminaires, on se retrouve et puis je vous passe les connaissances, comme je l'ai fait à Paris. Au Havre, autant pour moi, c'était quand encore là, en janvier 2020. C'est comme ça un véritable connaisseur fait. Il n'est pas là pour faire la grande tchatche. J'ai horreur des grandes théories, moi. J'ai trop de connaissances pratiques. Mais il m'est interdit à travers YouTube ou à travers les réseaux sociaux. Sinon, les gens vont crier au scandale. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas crier au scandale. Car j'ai eu l'autorisation de mes maîtres, des 9 loges, comme je l'ai dit hier, dans la nuit, autant pour moi. La vidéo qui a battu un record, je vous remercie, hein, parce que en moins de 12 heures, mon Dieu, c'est monté près de 15 000 views. Ça veut dire que le sujet-là intéresse tout le monde. Hein? Ça intéresse les chrétiens, ça intéresse les musulmans, ça intéresse les bouddhistes. Quel chrétien parmi vous va me dire qu'il n'est pas victime des attaques de sorcellerie? Hein? Qui va me le dire? Quel président ou ministre? Tout le monde est victime d'attaques. Mais l'avantage que nous, les sorciers, nous avons passé un temps, moi personnellement, je ne suis qu'un bébé peut-être, mais en juin, là, le 7 juin 2021, ça me fera 47 ans que je pratique ceci. Et quand je dis pratiquer, ça veut dire je médite. Je médite. Avant de venir vous parler là, je n'ai même pas mangé depuis ce matin. Je n'ai mangé que des fruits. Je n'ai bu que de l'eau. Et là, tout à l'heure, vous avez bu. Vous avez vu? C'est de l'eau qui est là. Et pas n'importe quelle eau. Et vous voyez le verre que j'utilise? Toujours plastique. Un vrai initié ne boit pas de l'eau dans des histoires plastiques. Je voulais dire, tout est en verre. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Madame Jeanne. Voilà. Ouais, ça c'est Madame Jeanne d'eau. Tout est en verre. Ne jamais boire dans du plastique. Parce que quand vous buvez ce qui est dans du verre, le sorcier ne peut pas facilement vous attaquer ni vous atteindre. C'est très important. Voilà pourquoi dans les méditations tibétaines, quand j'enseigne à certains d'entre vous les initiations douces, je recommande aux gens de souvent visualiser ce qu'on appelle la boule de cristal. Parce que la boule de cristal, c'est plus fort que le verre. C'est du verre. Et un sorcier ne peut pas vous attaquer. Bon, bref, nous allons donc passer maintenant à la pratique. Mais juste cette petite notion était très indispensable pour vous faire comprendre que quand le sorcier vient vous attaquer, il ne vient pas s'intéresser, machin. Non, non, non, non, non, non. Donc, ce rituel que je vais vous montrer là, on appelle ça le filet ou bien la toile d'araignée. Parce que le sorcier, quand il va venir vous visiter, la première fois quand il vient, si vous êtes éveillé comme nous autres, vous n'allez pas dormir, vous êtes éveillé. Il dit, oh merde, l'enfoiré, je vais faire comment? Pourquoi? Parce que le sorcier opère, ça c'est très important, et personne ne viendra me dire le contraire. Tout sorcier du monde entier, quel que soit le pays où il évolue, opère toujours la nuit. Quand vous dormez, c'est là où on vient vous attaquer, mesdames et messieurs. Vous pouvez dormir la journée, les attaques ne seront pas... Ça opère la nuit. Pourquoi? Mais parce qu'on ne voit pas l'âme. L'âme est invisible. Et l'âme, c'est dans le noir que l'âme réside. Donc, à l'intérieur de votre corps physique. Vous n'allez pas voir ça. C'est le corps physique qu'on voit. Donc, tout s'opère que dans la nuit. Toute sorcellerie, c'est parce que la nuit. C'est très important que vous reteniez cela. Donc, il faut retenir que lorsqu'un sorcier vient vous attaquer, il rentre par la fenêtre de votre rêve. Car ceci s'adresse d'abord à tous ceux qui ne sont pas initiés. Le matin, vous vous réveillez, mais mon Dieu, j'ai fait un rêve bizarre. Yayo! On fait comment? C'est très important. Mais maintenant, le sorcier qui vient vous attaquer ne peut pas se permettre de venir attaquer votre âme sans l'autorisation au préalable de la loge à laquelle il appartient. Alors, quand j'utilise le mot loge, vous qui êtes au Gabon, qui êtes au Congo, il ne s'agit pas des loges maçonniques. Le mot loge veut dire temple. Le mot loge veut dire association mystico-spirituelle. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle une loge. Donc, la franc-maçonnerie a de multiples loges. La Rose-Croix également a de multiples loges. Le Bouiti a de multiples loges. Les sociétés secrètes ont de multiples loges. Et même les églises, ils ont ce qu'on appelle des loges. Dans l'islam, ils ont des loges. La loge, c'est tout simplement le temple, le lieu de rencontre, le lieu de décision, le lieu où... Bref, je m'arrête ici. Donc, lorsque un sorcier décide d'aller pisser ou d'aller piéger une âme innocente, il ne le fait pas de lui-même. Il lui faut l'autorisation de la loge. Vous qui vivez chez moi au Gabon, n'avez-vous jamais remarqué, là je m'adresse aux jeunes mamans, là, les jeunes femmes, au Gabon et au Congo, j'ai remarqué, Congo, je parle de Congo-Brazzaville, que je connais mieux que le Congo-Kinshasa. Vous allez remarquer que ce sont des jeunes hommes qui viennent vous solliciter, vous les jeunes mamans. Ils reçoivent des millions. Il est dans une belle voiture. Il vient vers vous. Oh, mais maman, alors, c'est le vieux qui m'envoie. Le vieux qui, oh, mais il s'intéresse à toi. Tu es une belle femme. Et quand il vous fait cela, ce mec-là, il est membre de la loge, mais c'est son maître de la loge qui l'envoie afin de venir vers vous. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la chasse de votre âme à travers le vol d'énergie. Et ce vol d'énergie se fait par une personne interposée durant la journée. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais c'était juste pour information afin de mieux vous faire comprendre la notion qu'un sorcier n'agit jamais de lui-même ou n'agit jamais d'elle-même. Et souvent, elle agit au nom de sa loge. C'est-à-dire, il y a d'abord une réunion et la loge va s'accorder de dire « Oui, nous te donnons l'autorisation. » D'accord? Donc, il est très important de retenir cela. Bien. Si le sorcier, donc, quand il s'en va, bon, d'abord, avant d'aller dans la pratique, vous dormez. Quels sont les signes qui montre qu'il y a un sorcier qui m'a visité? Je sais que cette question va être posée, mais je réponds et j'anticipe. Il y en a plusieurs signes. Souvent, vous êtes en train de dormir, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui ont les esprits éveillés, esprit éveillé veut dire, moi par exemple, tout le monde le sait, toutes mes deux filles, je ne les ai pas initiées dans le monde des mystères, en dehors de mes deux garçons. Je veux dire, les trois filles. Alors, elles sont dans les histoires de Jésus-Christ, là, dans les églises. Mais ces enfants-là, moi, je les ai travaillés, elles ne le savent pas. Moi, je le dis à ma deuxième fille. On communique qu'elle est la plus intime avec moi, parce qu'elle s'est mariée récemment, légalement mariée et tout. Je lui ai dit. Elle me dit, oui, regarde ta femme. Donc, ça, c'est sa fille qu'elle a faite récemment. Vous savez, je suis un grand-père, donc je l'appelle ma petite femme. Elle dit, ah, regarde ta petite femme, là, elle va être sorcière comme toi. Voyez-vous? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que je tente de dire, vous ne pouvez pas. Le sorcier, quand il vient vous visiter, c'est très, très, très important. Il ne peut pas venir vous visiter sans l'autorisation. Mais il vient, quand il vient de lui-même venir vous visiter, il décharge, il fait ce qu'on appelle un signe. Mais ce signe-là, comme je le disais, il y a deux manières. Soit vous êtes préparé, c'est-à-dire pour les gens qui sont. Bon, je vous donne l'exemple de mes enfants, je les ai préparés, mais ce n'est pas tous qui acceptent ce que je fais. Ils me traitent des sorciers et tous les noms d'oiseaux, mais ils sont préparés. Donc, quand le sorcier va venir les visiter, elle ne va pas dormir. Elle sera là, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr, elle dira que ce sont Jésus qui la sauve, mais ne sait pas que ce sont vieux papas sorciers qui avaient travaillé à distance. Et je fais des séances pour tous mes enfants, pour tous mes neveux, pour tous mes petits-fils. Je prie pour eux, même si on me traite des sorciers. Parce que le sorcier, comme on le dit, ou le mage, c'est celui qui atteint la haute sommité spirituelle, la haute dimension. Et souvent, nous, les sorciers, on ne se contente pas d'une seule connaissance ou d'une seule pratique. On cherche à toucher à tout. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis à ma troisième incarnation consciente. C'est-à-dire que il y a de cela 184 ans, je ne fais que le répéter tous les jours, que mon esprit s'est éveillé. Donc, je suis à ma troisième incarnation consciente. Je sais tout ce qui se passe. J'ai comme l'impression que je vis un film. Donc, je suis obligé de me parfaire. Bref, n'allons pas là-bas. Ce qui vous intéresse ici, comment? Donc, le premier comment là, si vous êtes une âme préparée, ben, vous aurez l'impression que vous ne dormez pas. Vous tournez. Moi, je n'arrive pas à voir sommeil. Je m'en vais au salon. Vous allez faire des défilés de va-et-vient. Vous avez la visite d'un sorcier, s'il vous plaît. Que ceux qui sont libres de croire, y croient. Ou bien, si vous êtes addicté au sexe, là, ah maman, viens, si on va faire. Vous faites, peut-être vous pensez que vous allez vous fatiguer. Vous faites l'amour, rien. Vous êtes toujours là debout. Ah, chérie, c'est comme, on n'a même pas sommeil. Et vous allez constater que ça peut durer 3-4 jours comme ça. Vous allez maintenant voir le docteur, lui aussi, comme il se fait du business. Oh non, vous avez l'insomnie, c'est dangereux, votre cerveau est calboigné. Mais quand vous allez venir voir un sorcier comme moi, un initié, je vous dirai non, non, non, non, non, non. Il y a un sorcier qui est venu chier dans votre maison. C'est-à-dire, il a l'intention de poser un filet pour attraper votre âme. Avec l'autorisation de la loge au préalable ou sans autorisation. Donc, c'est très important. Voilà les deux signes. Le premier signe, c'est que vous n'aurez pas sommeil. Et le deuxième signe, comme je disais, maintenant vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore travaillé, mais pourtant vous priez, Alléluia, Alhamdulillah, Bismillah, Ilahilallah, Allahumma salli sayyidina Muhammadun Rasulullah. Vous êtes musulman ou quoi que ce soit, mais vous dormez là, vous ronflez. Mon Dieu, je réveille un gros serpent noir qui se battait avec un chien blanc. Oh, j'ai vu mon chat noir, mon Dieu. Qu'est-ce que mon chat noir est venu me gifler? Pour votre bonne nouvelle, je vous donnerai un enseignement prochainement. L'avantage de toujours garder un chat noir dans votre maison. Ça paraît bizarre, mais n'en est pas le chapitre. Donc, le deuxième aspect très important qu'il faut retenir, le sorcier, pour savoir qu'il y a une visite d'un sorcier, autorisé ou non autorisé par sa loge, c'est le rêve. Car le sorcier, tout comme les entités de l'au-delà, quand vous rêvez, n'avez-vous jamais expérimenté que vous appelez ça le songe? Que c'est au cours de votre sommeil, souvent que vos ancêtres, votre grand-parent qui vous aimait tant, va apparaître. Après, on dit quoi? Oh, mon grand-père m'a dit que il y a une valise qui est quelque part. Et des fois, ça tombe à pic. Et quand vous allez vérifier. Donc, pour me résumer sur l'affaire du rêve, pour dire que c'est à travers le rêve, car le rêve, bien sûr, il y a deux degrés. C'est-à-dire, il y a deux types de rêves. Il y a le rêve qu'on appelle le rêve prémonitoire. Ce rêve prémonitoire, comme le mot le dit, prévédire qui vous précède dans le monde mystique. Donc, le rêve prémonitoire, c'est surtout ceux qui ont un peu l'esprit un peu éveillé, un peu machin. Donc, ça vous amène dans le monde du songe, qui vous met en connexion avec les êtres de l'au-delà. Ce n'est pas un simple rêve. Par exemple, vous avez eu la colère contre votre mari, vous boudiez. C'est sûr qu'il était chez une copine, parce que moi je vois le téléphone là sonner toutes les minutes. Je veux pas voir ça. Donc, vous allez dormir avec cette colère, eh bien, rassurez-vous. En tant que psychologue, là je vais maintenant ajouter ma veste de psychologue. En psychologie, on nous dit que Dans ce cas d'espèce, le rêve, c'est tout simplement le refoulement psychologique, le refoulement de votre subconscient, de la somme consciente, c'est-à-dire de la somme des événements que vous avez accumulés, mais que vous avez enregistrés inconsciemment, vous n'avez pas refoulé ça. Voilà pourquoi les biblistes, là, en tant qu'ancien pasteur, on nous disait que lorsque vous avez la colère contre quelqu'un, il ne faut pas dormir avec cette colère. Mais mon Dieu, même les biblistes, donc, étaient des psychologues. C'est-à-dire qu'avant d'aller dormir, ou avant que le soleil ne se couche, il ne faut pas dormir avec la colère. Pourquoi? Mais parce que cette colère, maintenant, la science de la psychologie nous enseigne que votre subconscient, qui est la chambre secrète la plus inépuisable, a enregistré les flashs d'informations que vous n'avez pas refoulées, car le subconscient, c'est l'organe le plus sensible parmi les trois, subconscient, inconscient et conscient. Alors il enregistre, ce qui fait que quand vous allez dormir, vous allez faire le rêve, la même chose, vous verrez une agression, vous voyez maintenant une femme qui se bat avec vous, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il faut bien analyser, ça peut être aussi une vraie femme qui vous a visité dans la sorcellerie, mais pour le cas d'espèce, si c'est une femme blanche qui ici qui ne croit pas à la sorcellerie, eh bien, elle comprendra que oh, c'est parce que j'ai ruminé en moi la colère que j'avais vis-à-vis de mon mari, je soupçonnais qu'il couchait avec cette femme parce qu'il a reçu des coups d'appel téléphoniques répétés. Voyez-vous? Donc, retenez que c'est la deuxième phase. Donc, là, nous allons boucler ça pour avancer vite. Maintenant, une fois que vous avez identifié ces signes, que doit-on faire? Mais, je vous ai dit que le sorcier au préalable doit avoir l'autorisation des sorciers. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que s'il n'a pas l'autorisation des sorciers et que l'âme de cette personne-là qu'il va attaquer, à supposer qu'il réussisse à vous attaquer et que les gens de la loge ne lui ont pas autorisé, eh bien, ce sorcier va être poursuivi. Eh bien, il sera victime de ce qu'on appelle la chasse à l'homme. Vous avez sûrement suivi des films de Jean-Claude Van Damme intitulés La chasse à l'homme. Un homme qui fuit, il est pourchassé tout simplement parce qu'il veut sauver la vie de quelqu'un. Donc, vous serez pourchassé par les membres de la loge. Et ça, là, ça se passe même chez moi au Gabon. Parce que les grands maîtres logistes vous ont dit, toi, là, tu es maintenant général une étoile. Hein, mais pour que tu montes général trois étoiles, alors on t'envoie. Il faudrait que tu ailles nous prendre les énergies. Je suis là l'homme des pouvoirs. Je suis ton chef. Atinzama, hein? Il faut aller me prendre les énergies de monsieur Ndorombam. Parce que Ndorombam là, c'est un mec qui est trop orgueilleux. Et je crois qu'il est dans le vêtre, le malin. Donc va. On a besoin de ces énergies. Maintenant, si vous partez et que vous échouez à votre mission, vous pensez que quoi? La loge va vous poursuivre. Oui. Et il y aura des réunions mystiques. Tout à la fois des réunions au sein de la loge là-bas. Et mystiquement, on va vous poursuivre. Donc, on fait la chasse à l'homme. Donc, retenez que tout sorcier qui agit indépendamment des instructions et l'autorisation de la loge, ce sorcier va finalement être pourchassé. Pourquoi? Parce qu'il a décidé délibérément aller voler l'âme d'un individu quelque part. Mais surtout, si la loge découvre que l'âme que le sorcier est allé voler est une âme innocente. Mais attends, âme. Qu'est-ce que tu allais prendre l'âme d'une personne innocente? Parce que ces logistes-là, ils sont très intelligents. Ils vont dire, attends, qui? Monsieur Mandjango? Ah, Mandjango, il est très dangereux. Ça, c'est le général Mandjango, là. Oui. Il fait trop de coups au quartier, là, au quartier vivifiant. Il a l'habitude d'aller tuer. Il envoie des missions bizarres, décapiter les pauvres. Oui. Il nous faut cette âme-là. Voilà donc le genre d'âme qu'il vous faut pour pouvoir mettre comme sacrifice en vue de renforcer les énergies de votre loge. Mais vous allez prendre l'âme de maman Obikidia. Maman Obikidia, c'est une maman qui vend ses gâteaux au marché d'Akébé. La pauvre, elle est innocente. Vous partez voler son âme. Même les gens de la loge vont dire, mais toi, t'es fou bête. Qu'est-ce que nous allons faire avec maman Obikidia là? Maman Obikidia n'a aucun pouvoir. Tu vas la chercher pourquoi? Alors, vous serez pourchassé. l'enseignement risque d'être long, mais je ferme ce chapitre rapidement. Pour continuer, je ferai rarement des notes pour continuer à l'aspect suivant. Donc, ici, nous avons compris qu'il vous faut donc l'autorisation de la loge et que l'âme de la personne que vous avez prise, si cette âme était une âme innocente, vous allez payer le pot cassé parce que vous n'avez pas eu l'autorisation de la loge. Par contre, il peut arriver que la loge utilise cette âme innocente. Mais malheureusement, c'est le cas dans les pays africains, tels que chez moi au Gabon, au Congo et au Cameroun. Là-bas, ils s'en foutent. Il peut prendre n'importe quelle arme. Ah, laissez-moi ça. Mon chef, il doit monter là. Il n'est que général 2 étoiles. Il doit monter général 3 étoiles. Il lui faut la promotion. Donc, il faut me chercher forcément une âme. On s'en fout, qu'elle soit innocente ou pas. D'où l'importance de ce rite-là que je vais vous montrer en moins de 20 minutes, dans les minutes qui suivent. Alors, quels sont les signes? Je vous ai dit au départ, je vais revenir sur les signes. Mais là, je vous parle des signes physiques. Je ne vous parle pas des signes spirituels. Les signes spirituels, vous resterez éveillés, n'est-ce pas? Mais les signes physiques, ça veut dire que vous n'avez pas peut-être pu avoir cette possibilité d'avoir les signes physiques. Vous vous êtes tellement calboigné en faisant trop l'amour la nuit. On vous demande de prier. Moi, mes frères religieux, là, musulmans ou chrétiens, j'ai eu une très bonne formation de base. J'encourage les gens de prier tous les jours. Vous voyez, mon live est stabilisé. C'est stabilisé là, mais c'est parce que j'ai mis mon genou par terre, je me suis mis à prier. Ah oui, je me suis mis à invoquer mes genoux, que vous voyez les symboles derrière moi là. Regardez, on ne va plus être coupé jusqu'à la fin. Donc, priez régulièrement, priez toujours. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, qui dit quoi? Priez sans cesse. Trois mots, priez sans cesse. Pray without cease, disent les Anglais. Pray hard, disent les Américains. Et dans l'islam, on nous dit la même chose. Il faut prier tout le temps. Mais vous ne priez pas, vous n'êtes pas occupé spirituellement, vous ne méditez pas. Donc voilà les signes que vous allez constater au matin. Suivez bien. Le matin, quand vous allez vous réveiller, une lourdeur du corps. Vous sentez le corps très lourd. Vous vous réveillez le matin, vous sentez qu'il y a des toiles, on dirait des toiles d'araignée à vos yeux. Ça veut dire que le sorcier vous a chié dessus. Le sorcier vous a pissé dessus. C'est-à-dire que le sorcier a déjà mis ce qu'on appelle... Il y a un animal, mais j'oublie le nom. Un animal qui, pour marquer son territoire, pisse. Vous pouvez m'aider là. Il y a un animal qui fait ça. Il marque son territoire et il pisse tout autour. Donc, le sorcier également, il marque son territoire parce qu'il peut avoir un autre sorcier burkinabé. Hein. Le sorcier burkinabé qui est là-bas à Ouagadougou, il peut dire, bon, les Gabonais, là, c'est des gens trop naïfs. Moi, je crois que je vais aller voler quelqu'un là, qu'on appelle ça, en Kembo. Mais entre-temps, il a son frère Abdoulaye, qui est un burkinabé qui vit là-bas en Kembo, qui dit, oh Moussa, oui, ah, les Gabonais là, c'est des petits niaquins. Je crois que je te trouve quelqu'un qui est ici là. Donc, vous, sorcier Gabonais, vous devez donc vous assurer que vous allez marquer votre terrain. Et il marque le terrain en faisant quoi? Mais il pose cette toile d'araignée. C'est pour cela le matin, vous réveillez, je ne sais pas si vous avez constaté, à partir d'aujourd'hui, hein, il faut bien faire l'expérience de ce que je vous dis. Vous vous réveillez, mais les yeux sont collés. Oh, ya, yo, ah, ah. Entre les âmes, je ne vois plus bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous partez taper l'eau. Le sorcier vous a visité. Le sorcier a mis sa toile mystique sur vous. Voilà les signes. Lourdeur du corps. La toile d'araignée sur vos yeux. Impression d'avoir fait un grand combat. Vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué. Vous réveillez avec des maux de tête. C'est ça là. Alors, ce qu'il vous faut donc, la solution, c'est de passer par la purification de votre aura et la purification de votre corps afin que le sorcier, le lendemain, ne vienne plus vous attaquer. Parce que là, vous êtes réveillé. Oh, Teresa, mais qui est le corps femelle? C'est comment? Non, Tizama. Je crois que Maître Mouré avait dit quelque chose. Je vais appliquer ce qu'il dit. Donc, la première technique, la vidéo est disponible ici. Ceux qui ne sont pas abonnés là, abonnez-vous. Vous qui avez des parents qui veulent dépenser trop l'argent chez les marabouts, demandez-leur de s'abonner ici. Là. La vidéo est intitulée « Le rite du peuple Luango, le rite du vin et de l'urine. » La technique des balais ici. Là. Le vin, c'est trop compliqué parce que c'est tout un protocole pour me contacter en privé. Mais pour l'urine, là, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de suivre la vidéo. L'urine, votre propre urine, vous pouvez même faire les Google, vous les jeunes là qui doutez trop. « Oh, mais l'urine, c'est mauvais. » Ah bon, hein? Pourquoi les Chinois vendent ça là-bas dans leur marché en Chine? Pourquoi les gens achètent ça même en ligne? Oui, ils achètent ça même sur Amazon. Les urines des enfants chinois. Savez-vous pourquoi? Mais parce qu'ils savent les vertus de l'urine. Non seulement ça a des vertus physiques, mais ça a des vertus mystiques. Bref, donc votre urine, c'est la première technique de purification. Et ensuite, l'autre technique, je vous la montre rapidement. C'est une vieille technique tibétaine que j'ai appris dans le yoga tibétain. Et je crois que j'ai démontré ça dans la plupart des séminaires. C'est ici. Ok? Une fois. Deux fois. Et ensuite, bas vers le haut. Bas vers le haut. Bas vers le haut. bas vers le haut, et pour finir, une fois, deux fois, vers le haut, une fois, deux fois, trois fois, haut, et ensuite, bas vers le haut, bas vers le haut. Je vais un peu trop vite, mais ça s'appelle le balayage et le nettoyage de votre aura piscienne. Ce sont les Tibétains, et vous pouvez apprendre cette technique, puisque je suis également un maître du Reiki. Dans le mouvement Reiki, on nous apprend comment guérir les gens avec les mains. On nous apprend comment balayer les énergies négatives, les ondes nocives, à travers le toucher, et même à travers certains aliments. Bon, bref, ça c'est la première technique, et la deuxième que je viens de vous démontrer. Maintenant, la troisième, c'est celle qui nous intéresse, n'est-ce pas? La troisième technique maintenant, c'est celle-là. Le vinaigre. Voilà le vinaigre. C'est écrit quoi? The white wine vinegar. Organique. C'est là. Bon, ça, c'est du vinaigre blanc. Mais, comme je vous ai dit, il ne faut pas prendre la bouteille plastique. Il faut ça. Vous voyez? Je fais exprès de taper ma bague là-dessus. C'est bien en verre. Il faut une bouteille en verre. Vous avez la bouteille en verre qui est là, le vinaigre. Ensuite, vous avez l'ail. Nous avons ce qu'on appelle la gousse. Donc, j'ai compté, il y en a 10. Rassurez-vous que ce que vous allez choisir, il y en a 10. Ça, c'est de l'ail qui est carrément bio. C'est biologique, ça. Je compte. Je vais bloquer le doigt sur celui-ci que je ne compte pas. Donc, une gousse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y compris ce que j'ai touché. Et au centre, il y en a 2. Donc, je les décompose. Je vais compter avec vous. Une, deux, vous voyez, c'est l'ail, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh! Je raconte ça devant vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tétamouang! Mais on ne peut pas donner un bravo, on ne peut pas donner un alléluia chez les chrétiens. Savez-vous que le nombre 10, c'est le nombre le plus magique par excellence, car 10, c'est 1 à l'intérieur du tout. 0, ce n'est pas 0, mais 0 veut dire le tout, car 0 veut dire l'universalité, 0 veut dire le macrocosme, et le 1 veut dire le microcosme. Donc le microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire que l'homme en lui, dans son entité individuelle, se divinise et s'universalise dans la haute divinité universelle. Donc il y a une fusion de l'âme individuelle avec l'âme universelle, le nombre 10. Et ça se trouve dans l'ail. Ce n'est pas un hasard pourquoi en Égypte, les pharaons, quand ils initiaient les gens, oui, tout néophyte devait amener à l'entrée du temple une bouteille de vinaigre avec l'ail, voilà, avec les 10. Ça là. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous prenez le couteau, vous découpez en deux. Vous découpez en deux. Vous découpez en deux de chaque, donc ça va devenir combien? 20. Maintenant, une fois que vous avez tout découpé, je vous fais la démonstration. Vous faites quoi? Après avoir découpé les tout, donc vous mettez tous les 20 morceaux dans votre bouteille. D'accord? Vous mettez le tout dedans. Tous les 20 morceaux. Donc, il s'agit bien des 10 qu'on trouve dans le véritable ail. Il y en a 10, n'est-ce pas? Mais vous les avez découpés en deux. Et ça devient 20. 20 également est un nombre parfait. 30 est un nombre parfait. 50 est un nombre parfait. Car il y a toujours cette binarité. Qu'on appelle ça? Ce phénomène binaire. Donc, de 10, 10, 10, 10, même si c'est un milliard, il y a toujours 10 dedans. Vous voyez le grand mystère des Tétamouanga. Je crois que j'ai donné un enseignement sur la magie des nombres que je maîtrise également très bien. La magie des nombres, c'est important de comprendre ces phénomènes. Vous verrez qu'il y a même certaines dates dans le mois. Bon, bref, oh pardon, vous êtes impatient de ça. Voilà le véritable machin enseignement ce soir, c'est sur ça. Donc, vous avez déjà tout mélangé comme ça. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tout mélangé. Vous finissez votre mélange. 24 heures plus tard, donc le lendemain, le lendemain matin, vous allez maintenant prendre cette bouteille-là. Je répète, si vous l'avez fait ce soir, vous avez découpé les 10, le mot là en français on dit quand même, les 10 ailles ou les 10 os. C'est compliqué. Aidez-moi là, vous qui parlez bon français là, parce que le français devient ma cinquième langue. Les 10 os ou les 10 ailles, comment on dit? Donc, vous avez découpé les 10, les 10 gousses, disons, les 10 gousses là, vous avez les découpé, ça fait tout à l'intérieur. Vous gardez ça. Maintenant, le lendemain, vous prenez la bouteille, vous la déposez à la cour de votre terrain ou bien au balcon. Desire, ok, quelqu'un m'a corrigé, desire. Desire, ok, merci. Donc, vous déposez ça devant la maison. Il faudrait que, c'est bon de faire ça, surtout vous qui êtes en Afrique. Oh, vous êtes gâtés parce que vous avez le soleil. Donc, vous laissez le soleil charger ça. C'est très important. Je répète, vous avez fait ça ce soir, vous avez fait ça aujourd'hui. Maintenant, tout est chargé. Vous n'avez rien à dire dessus. Il n'y a pas de paroles à dire. Non, non, non. Alors, mais seulement ce soir, puisque vous avez été victime de l'attaque, puisque vous avez été victime de ces histoires de lourdeur, lourdeur de corps, de l'œil bourré de toiles et d'araignées, parce que le sorcier a déjà marqué son terrain pour vouloir que, pour faire en sorte que vous serez sa prochaine victime. Donc, quand vous avez fabriqué la potion magique la plus puissante que même les pharaons utilisaient, vous allez vous renseigner partout, hein? Renseignez-vous partout. Même les grands sorciers marabouts, demandez-leur si ce que moi je dis c'est du mensonge. Partagez-leur la vidéo là. L'ail et le vinaigre. Vinaigre veut dire le vin qui est mort. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant dans le monde que ça. Aucun sorcier, je dis bien même le diable, ne pourra pas résister face à ce machin-là. Donc laissez-moi continuer. Donc, nous étions où là? Pendant ce temps, vous faites donc votre rite de l'urine. Hein? Dans la nuit là. Vous n'avez pas encore utilisé ça, vous faites votre rite de l'urine, vous baignez l'urine sur votre corps. Après avoir pris votre douche normale, vous allez vous imbiber de votre urine sur votre corps. Ok? Suivez la vidéo là, ça vous explique ce qu'il faut faire. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que là, le temps court vite et vous avez les questions à me poser. Maintenant, le lendemain matin quand vous allez vous réveiller, rassurez-vous qu'il n'y a pas le soleil, hein? Ouais, plutôt la pluie. Donc, vous posez ça dehors. Le soleil se lève. Si vous êtes monsieur, vous allez travailler madame à la maison. Madame, vous veillez où? Vous voyez bien sur la bouteille, il ne faut pas que quelqu'un vole ça. Le soleil doit charger. Ça s'appelle la magie de charge solaire. La magie de charge solaire. C'est des techniques. Vous qui êtes nouveau là, abonnez-vous bien parce que j'ai des enseignements ici où je vous montre comment vous pouvez vous baigner de l'énergie du soleil. Ça, c'est aussi une très grande protection mystique. Okay? Vous vous baignez du soleil, vous vous baignez de la terre, vous baignez de l'eau. Les techniques sont là. Il y a plein d'enseignements. Bien. Donc, une fois la bouteille a passé 24 heures sous le soleil, donc je veux dire 12 heures, vous prenez donc cette bouteille-là. Vous l'amenez à la maison. Vous l'amenez à la maison et qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre un verre. Voilà un verre. Toujours en verre. Pas en plastique. Et il vous faut normalement un vinaigre d'un litre et voire plus. Alors, vous allez donc prendre, pardonnez-moi, les maîtres m'ont dit, attention, attention, tu es parti trop vite. Donc, la bouteille que vous avez laissée sous le soleil, il n'y a rien à faire, pardonnez-moi. Une fois vous récupérez cette bouteille-là, vous la fermez, d'accord? Et vous allez la déposer au centre de la table de votre maison. Je répète, au centre de la table de la maison, vous laisserez cette bouteille se fermenter pendant 30 jours. Mais pendant ces 30 jours, utilisez la technique de purification de votre aura que je viens de vous montrer, plus la technique de purification de votre corps à travers votre propre urine. Vous laisserez ça là. Ça, c'est la grande protection. C'est la grande magie. Il n'y a pas que la protection, ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais à cause du temps, nous allons avancer vite. Donc, c'est le petit détail que j'ai failli omettre, alors que c'est le plus important. Une fois que vous avez fait la charge du soleil, deuxième étape, disais-je, Vous récupérez ça le lendemain. Maintenant, vous allez mettre ça au centre d'une table. Dans les loges, il y a toujours des tables. C'est dans les tables, au centre de la table, que les grandes décisions des logistes se prennent. C'est au centre d'une table que les grandes réunions mystiques se prennent. C'est au centre d'une banja. Et vous savez, dans le bouété, je ne vais pas dévoiler les secrets, mais dans le bouété, il y a quelque chose qui est au centre d'une banja. Les vrais initiés savent ce que c'est. Il y a une poutre. Cette poutre, c'est-à-dire ce poteau central. C'est celle-là, le grand Dieu, cet état manga exprimé là, incarné, qui est là. Le grand secret. Donc, tous les grands sorciers, quand vous déposez cette bouteille au centre de la table, vous la chargez inconsciemment par la présence des grandes entités de l'au-delà. Vous êtes libre de parler ou pas, vous ne dites rien, mais laissez ça là, au centre de la table. Maintenant, après 30 jours, je répète bien, après 30 jours, par mesure de prudence, nous sommes au mois de... Quand là? Nous sommes en mai, non? Le mois de juin va commencer dans une semaine, non? Donc, commencez ça dès le 1er juin. Dès le 1er juin, vous faites ce rite. Ce n'est pas compliqué. Je peux le répéter. Donc, vous avez déposé. Maintenant, vous laissez ça au centre de machin pendant 30 jours. Et après les 30 jours, c'est à moi. Tout est bien fermenté. Donc, vous ouvrez. Le soir, vous prenez un verre. Vous prenez un verre de ce mélange. Vous prenez donc un verre de ce mélange-là. Vous le mettez soit au chevet de votre lit. Vous savez ce que ça veut dire en français, au chevet, non? Soit au chevet de votre lit. De préférence, si c'est vous, vous mettez ça carrément à côté de votre tête, de là où vous dormez, au chevet de votre lit, donc à côté de votre tête. Ce verre-là, pas trop rempli, même à moitié, vous laissez là. Ça, c'est un. Ou bien, vous remplissez ça, vous mettez sous votre lit. Mais quand vous le mettez sous votre lit, ça doit être au centre de sous votre lit. J'espère que je parle un français clair. OK? Donc, vous laissez ce verre-là. Vous faites, vous prenez un deuxième verre. Ce deuxième verre-là, du vinaigre, vous allez donc l'utiliser dans le seau. Même si vous êtes dans le pays des Blancs, où il y a les baignoires, je vous dis, il faut acheter un seau. Donc, l'autre, ça c'est le deuxième verre, non? Le premier verre, vous avez retenu qu'il faut mettre ça sous le lit ou bien au chevet de votre lit. Le verre qui est mélangé de quoi? De l'ail découpé avec le vinaigre. Vinaigre veut dire le vieux vin. Le vinaigre, c'est le plus grand fétiche du monde. Renseignez-vous auprès des grands mystiques, des grands sorciers. Ils vous diront ce que j'ai dit là. Moi, je ne viens pas vous raconter n'importe quoi. Ça, c'est la haute magie qui date de plus de 50 000 ans. On pratique ça au Tibet. On pratique ça en Chine. D'accord? Je ne sais pas si ça existe dans des grimoires, mais moi, j'ai eu l'autorisation de mes frères des loges africaines là que je peux diffuser. Sinon, je connaissais ça depuis longtemps. Donc, une fois que vous avez fait ceci, le deuxième verre, donc, disais-je, vous mettrez ça dans le seau que vous allez vous baigner. Bien. Maintenant, à chaque soir, là, vous laissez maintenant les histoires de rites de l'urine, là. Vous allez vous baigner désormais. Vous allez vous baigner avec ça. Parce que tout est fermenté. Les entités ont déjà chargé. Maintenant, avant de vous baigner, le soir, où est l'autre verre? Ah, Kinza, non. Ok, j'ai amené un seul verre. Oh non, bon, je vais utiliser le même. Laissez-moi d'abord boire l'eau. Maintenant, avant de vous baigner, de cette eau-là que vous allez mélanger également avec le vinaigre, 1 litre de vin rouge. Vous ouvrez votre vin rouge. Vous mettez. Voilà le vin rouge. Vous voyez bien, non? C'est du vin rouge. Le vin rouge est là. Et vous prenez également une bouteille d'eau. Voilà la bouteille d'eau. Le verre d'eau est là. Toujours dans quoi? C'est très important. Ne m'utilisez pas des plastiques. Le plastique est un élément de pénétrabilité. Le sorcier ne veut toujours pas trop pénétrer. Mais il ne pénètre pas la glace. Voilà pourquoi il existe chez nous, dans la pratique tibétaine, le rite. de la boule de cristal. Bien. Vous avez ça, non? Maintenant, vous allez faire un rite. Maintenant, le rite, c'est quoi? Vous allez amener ça là où se trouve votre bouteille. Mais rassurez-vous que la bouteille, là... Pardonnez, je vais essayer d'arranger le téléphone. Voilà. Rassurez-vous que donc la bouteille de... Elle est là, non? La bouteille du vinaigre. Vous avez pris une partie que vous avez mis soit au chevet ou sous le lit, l'autre partie que vous avez un verre qui est là prêt pour mettre dans le seau d'eau, l'autre partie que vous avez fermée, ça reste toujours sur la table si vous voulez. Mais la charge est déjà faite, ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui est plus important, c'est que le premier jour maintenant, là je parle de la pratique que vous devez faire, le premier jour, c'est-à-dire après les 30 jours, vous prenez le vin rouge, une bouteille de vin rouge, et vous remplissez un verre de machin et un verre d'eau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le rite des ancêtres. Et vous savez ce qu'il faut faire. Si vous ne connaissez pas, j'ai 3 vidéos ici, là, intitulées « Comment nos ancêtres communiquaient avec les dieux ». L'autre vidéo, « Comment communiquer avec nos ancêtres ». L'autre vidéo, « Comment honorer ». Parce que la communication, il est interdit d'adorer les ancêtres. On n'adore pas les ancêtres, comme nous dit certains chrétiens. Oh non, c'est diabolique, les ancêtres, c'est des démons. Qui vous a dit ça? Les morts ne sont pas morts. On les honore. Honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. C'est ce qu'on dit chez nous à 13 ans. Donc, le rite des ancêtres. Je viens ici me présenter à vous. Bon, là, vous parlez à vos ancêtres. Hein? Je ne veux pas rentrer dans tout le discours. Vous savez ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas, ben, contactez-moi en privé ou bien vous qui êtes en Afrique, demandez aux ancêtres. Je viens me présenter à vous. Je m'appelle Basile Ondianga. Je suis votre arrière-petit-fils. Je ne bois pas le vin, mais je fais juste le geste. Donc, vous buvez. Et après avoir bu, vous commencez toujours à... Les initiés connaissent. On commence toujours où? À gauche. N'ai jamais commencé à droite. Ça, c'est des conneries. L'initié qui va vous enseigner que le vin ou le verre, c'est à partir de la droite, c'est un menteur. Même la liqueur que vous présentez aux entités, c'est à partir de la gauche. Donc, vous versez à gauche et à droite de votre table. Et vous déposez, à titre symbolique, vous déposez le vin là-bas. Donc là, si vous avez fini de parler, vous dites, voilà, je vous présente mes doléances. Vous buvez un peu, mais vous donnez d'abord aux ancêtres, hein, pardonnez-moi. Vous donnez d'abord aux ancêtres. Vous ne pouvez pas boire avant. Non. Ce qu'on boit avant, on ne peut pas donner. Il faut d'abord donner aux ancêtres. Et maintenant, vous buvez un peu. Et vous déposez sur la table. Maintenant, vous avez fini de parler. Vous avez fait votre rite. Il vous dit tout. Depuis un bon moment, je suis dans ce quartier des Akébés. Je ne comprends pas. Je ne fais que des cauchemars. Je ne dors plus bien. Je sens les éléphants qui me poursuivent. J'ai même rêvé la dernière fois un serpent noir qui marchait maintenant sur les pattes d'éléphant. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je suis embrouillé. Je me suis rendu compte qu'il y a des sorciers ici. Alors, je viens vers vous pour vous dire que désormais, vous avez maintenant tous les pouvoirs de pouvoir vous engager à me protéger, à vous dégager de tous ces bandes de voyous-là. Vous avez fini de parler, vous allez clôturer avec votre verre de vin. Vous avez fini, vous tournez votre dos. Et puis, vous allez faire le reste. C'est-à-dire que, soit vous vous douchez, comme j'ai dit, ce verre de mélange-là, vous avez mis dans le seau auquel vous allez vous doucher. Et le reste du vinaigre, ça reste là. Ça, vous le faites le premier jour. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Car le bain, si vous voulez le faire tous les jours, mais je ne crois pas, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est le plus nécessaire, c'est 1. Le frotter régulièrement sur votre corps comme une crème. Et de 2. Le verre qui est posé au chevet de votre lit. C'est que vous n'allez plus sentir physiquement, vous ne sentirez rien. Mais au bout d'une semaine ou deux semaines, si vous constatez que le verre où il y a le mélange du vinaigre avec l'ail là, commence à baisser le niveau, ça veut dire que vous avez eu des attaques. Et vous tendez l'oreille. C'est là que vous allez entendre. Oh! Monsieur Mabako Gilbert, oh, il est mort. Ça commençait comment? On l'a trouvé vraiment, ça n'allait pas. Le sang au bureau, le sang partout. Et vous restez tranquille, puisque vous savez que M. Gilbert Mabako, c'est votre voisin. C'était le grand sorcier que vous soupçonniez. Parce qu'il vous boudait. Depuis que vous avez commencé le riz, il va commencer à vous bouder. Et ça, le reste là, vous allez l'utiliser comme crème avant de dormir. Avant de dormir. Ça va piquer, hein, je vous signale. Parce que c'est du vinaigre qui est mélangé avec de l'ail. Vous frottez ça comme une crème désormais. Bien. Je crois que, puisque parmi mes frères de grandes loges là, il y a deux qui ont promis de venir me surveiller si je fais bien passer la présentation. Parce qu'ils m'ont dit non, il ne faut pas faire la moindre erreur. On veut s'assurer que les gens vont être contents. Hein? On veut s'assurer que les gens vont être contents après avoir fait ça et qu'ils seront heureux. Donc, voilà comment la chose se passe. Maintenant, une fois vous avez fait le bain, vous êtes baigné, le jour où vous allez dormir, c'est terrible. Hein? Maintenant, quand vous allez dormir là, vous allez sentir quelque chose. Parce que les sorciers sont têtus. Lui ne sait pas. Souvenez-vous que le premier jour, vous avez eu des signes, n'est-ce pas? Et c'est là que vous avez fabriqué tout ça, vous avez fait vos histoires, mais seulement après 30 jours. Puisque lui, va trouver l'urine, le rite de l'urine va l'empêcher de venir, mais il va toujours tenter. Il ne sentira aucun danger. Il va toujours tenter. Or, il ne sait pas qu'il y a une bombe qui l'attend. Après les 30 jours, là, quand vous avez fait votre rite, après les 30 jours, le premier jour même dans cette nuit, si ce sorcier-là ose venir, voici les expériences qui vont se passer. Vous-même, vous aurez comme l'impression qu'il y a une forme d'aimantation. Aimanté veut dire comme de l'aimant. C'est-à-dire comme quelque chose qui vous repousse. Mais le sorcier, c'est le contraire. Il va sentir comme une forme d'aimantation positive. Chez vous, c'est une aimantation négative. C'est-à-dire que vous aurez l'intention que le truc vous repousse. Mais par contre, chez le sorcier, il sentira qu'il a absorbé. Tout comme ceux qui ont fait les études de mathématiques des trous noirs. Vous avez comme l'impression que vous êtes attiré vers le trou noir pour entrer et disparaître. Et le sorcier, s'il n'est pas humble, il va s'entêter et il va mourir. Je vous jure que même si c'est un sorcier, comme je vous l'ai dit hier hein, sur ma page Facebook, si c'est un sorcier qui est puissant comme moi, dans près de 27 loges, ce mélange-là, ça là, je vous dis même les pharaons d'Égypte, ils utilisent aucun sorcier. Même le diable ne pourra pas vous approcher avec cette affaire-là. Donc, souvent c'est un sorcier, pour vivre longtemps, il va dire, il sera obligé d'accepter et d'apparaître. Oui, il va apparaître comme vous voyez dans les histoires des vidéos qu'on poste. Mais comment la maman là s'est retrouvée sur le toit? Intéressant. Non. Deux fois, c'est des maisons qui ont été piégées. J'ai une vidéo ici, là, intitulée « Comment expliquer les gens qui sont coincés sur les toitures des maisons des gens ?» Mais pour le cas d'espèce, ce mec-là qui est venu vous visiter, comme vous avez appliqué ce que je vous ai dit là, vous avez frotté la crème de votre urine, vous avez votre verre de machin, vous avez fait le bain, vous vous êtes baigné avec le verre de vinaigre mélangé avec l'ail que vous avez mélangé avec l'eau, vous êtes baigné avec ça, vous avez bu votre verre de vin, vous avez présenté le verre de vin machin auprès des ancêtres. Vous allez me dire, hein? Maintenant, lui, il sera obligé parce qu'il va sentir une forme d'aimantation trop forte d'absorption. Donc, il va se sentir absorbé. Il sera obligé de sortir. Ah, monsieur Jules Mba, pardonnez-moi. Je ne voulais pas. Ah, mon Dieu, tu fais quoi dans ma chambre? Oh, pardon, vraiment. Atizam, c'est pas. Pardon, je vais te donner les millions, hein. C'est vraiment. Mais pourquoi? Mais parce que il est membre de loge. Mais les frères de la loge vont lui dire, bon, mais écoute, comme tu t'es fait prendre, il n'y a pas de problème. Il demande combien? Il demande 20 millions. Il y a des cas comme ça. Je ne vis pas dans un monde de fiction. C'est vrai que je suis aux États-Unis, je peux me faire de l'argent en créant des histoires de fiction comme mon grand frère Patrick Guémandon, que je souhaite toujours une bonne guérison. Parce que je sais qu'il était un moment malade, mais ça va, il s'est rétabli. Pour ceux qui le cherchent, il n'est pas mort. Oui, oui, vous vous en souvenez, M. Patrick Guémandon, il avait toujours des histoires de fiction. Je ne suis pas en train de vous dire des fictions, là, c'est la réalité. Alors, ce sorcier sera obligé de confesser. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter ici pour vous permettre de poser des questions. Mais voici en résumé comment piéger un sorcier. Et les sorciers qui étaient mécontents au début de ma première partie de la vidéo, qui voulaient me brouiller mon âme, machin, c'est dommage. Je ne vais pas vous punir, je vous pardonne. Mais vous allez profiter. Ceux qui m'ont suivi là, chrétiens, musulmans, partagez cette vidéo comme des gâteaux, s'il vous plaît. Si vous avez des doutes, recontactez-moi. Ben voilà, il est grand temps pour vous de poser des questions. Mamania, comme on dit en français, mamania o, mamazi, nyaman. Et puis on va faire une petite pause de musique. Battery 100%. Samsung Galaxy S7 Edge connected. Bien, c'est à votre tour de poser des questions, mesdames et messieurs. Si tout a été clair, ben, tant mieux, je vais tirer la conclusion rapidement. Ni bambi goto venda ngoma ngayo ngwa piligidega tabaru ayena lwa nekawo ogo kani di bambie mamianga di bambie beni weli bambie koto weja ogo mandenge ogo kani di bambie mamianga di bambie beni weli bambie koto weja ogo mandenge ayongo wapili gesore go wadie nina kamba omono magisogo ebinde ninguna gigono Zamosingi, Mama Pussy, Akewa, Akewa, Oyombo, Yombo, Mama Pussy. Bien, je vais répondre donc à vos questions. Mais avant de répondre aux questions, j'aimerais ici attirer l'attention de mes frères qui sont des chrétiens et des musulmans, c'est-à-dire des frères religieux. Maintenant, sur la présentation de ce sujet, sur comment piéger les sorciers, hier je disais tantôt que au sein même des religions, il y a également des sorciers. Ça ne veut pas vous surprendre. Personnellement, j'en ai rencontré des pasteurs qui sont sorciers. C'est-à-dire que qui sont allés prendre des fétiches auprès de mes amis au Ghana. Et c'est des sorciers comment? Vous verrez les pasteurs qui font des prises de judo aux membres des églises. Est-ce que vous êtes obligé de faire une prise de judo? Quand j'entends par prise de judo, ils vont venir imposer des mains sur vous, ou même vous tomber. Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Alors, le message ici, c'est quoi? Que vous soyez chrétien ou musulman, ne vous sentez pas gêné. Les sorciers, on les trouve partout. Cette technique-ci, vous vous identifiez avant tout étant comme un Africain. Je sais qu'il y a près d'une vingtaine de Blancs qui me sont en train de me regarder là, j'ai remarqué. Mais la majorité parmi vous, vous êtes des Noirs, vous êtes des Africains. Donc, en tant qu'Africain, notre identité en nous, ce n'est pas la religion du Blanc. La religion du Blanc, c'est parce qu'il est venu nous coloniser. Mais nous avons nos traditions. Voyez-vous, cette technique que je viens de vous montrer, même chez les Blancs, dans certaines cultures, certaines loges des Blancs, par exemple, je suis membre d'une loge là qu'on appelle la loge des mages nordiques. C'est une fraternité blanche de l'Europe du Nord. C'est là-bas où j'ai appris, par exemple, la magie de transformation de l'énergie tellurique en énergie transcendantale. Donc, comment se remplit de l'énergie tellurique. J'explique, il y a des vidéos ici où j'explique ce que c'est l'énergie tellurique, c'est-à-dire que l'énergie qui ressort de la terre, de tous les corps, des cadavres, des morts, des animaux, des poissons. Voyez-vous? Donc, ce que je suis venu diffuser ici, vous pouvez l'appliquer. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y aura pas un démon qui va apparaître. Et maintenant, si vous ne voulez pas faire le rite des ancêtres, parce que je parle du rite des ancêtres, il ne s'agit pas de prier les ancêtres. Il s'agit de les honorer. Il s'agit d'exprimer un signe de reconnaissance. Que vous êtes ici. Moi, je m'appelle Onoubien. Onoubien, fils d'Adoumara. Adoumara, fils de Onoubien. Onoubien, fils de Mbourou. Mbourou, fils de... Ainsi de suite. Donc, dans ma lignée ancestrale, je me retrouve. Puisque pour moi, Dieu, en fait, Dieu, c'est mon père. C'est mon grand-père. C'est mon arrière-grand-père. Et près de 58 000 générations qui me rapprochent de la 10e génération après le premier homme qui a été créé par Teta Manga di Banga Banga, mais que cet homme-là était noir. Donc, c'est comme ça qu'on trace notre histoire. Ne vous sentez pas gêné. Monsieur Moreau Nouvier n'est pas un sorcier méchant ou bien quelqu'un qui vaut du mal. C'est regrettable que, quand je lis vos messages, beaucoup c'est des messages incendiaires sur ma page Facebook. Mais parfois, le ton dans lequel je parle, c'est pas que je suis contre vous, mais ma rage, c'est contre mon frère Blanc. Et pas n'importe quel frère Blanc. Moi, j'ai des amis Blancs. Moi, je suis dans un pays des Blancs ici. Hein. La majorité des Blancs. Ceux qui me suivent là, c'est des Américains. Ils sont là. Ils parlent français. Je vais faire d'ailleurs un petit résumé en anglais parce qu'ils ne comprennent pas tout. Alors, ce rite, vous pouvez le faire. C'est valable pour tout le monde. D'accord? Ne vous sentez pas gêné du tout. C'est très, très important que je souligne là, cette partie-là. Alors, maintenant, je vais examiner vos questions. « Oh là là. Alors on vous demande d'être à l'heure, vous venez en retard. Oh, c'est pas possible. Oh oh. Le verre reste combien de temps sous votre lit? Autant que vous voudrez. Ça doit rester là. Jusqu'à ce que ça va sécher, vous pouvez remplir ça encore. Parce que la bouteille, je vous conseille de faire ça même dans une... C'est même mieux d'avoir un truc comme ça là, de 5 litres. Remplis ça de vinaigre biologique. Et dans chaque litre, vous faites les 10, 10, 10, 10. Vous respectez ça. Si c'est 5, c'est 5 fois 10. Donc, qui doivent être mis ici. Et au fur et à mesure, vous servez. Dieu soit loué. Bon, merci. Il faut laver chaque jour. Vous avez suivi l'enseignement? Vous êtes venu en retard. Hein? Oh, vous aussi. Lavez quoi? Il faut suivre la vidéo. La bouteille doit rester au soleil pendant combien de jours? Qui vous a parlé de rester au soleil des jours? Ruth, tu étais où? Tu es venu aussi en retard. Resuivez la vidéo. Je n'ai pas dit que ça doit rester pendant des jours. J'ai seulement dit durant 12 heures, disant quand le soleil se lève et se couche. C'est ça. C'est toute la journée. Le soleil doit remplir ça. Je ne vous ai pas dit de laisser ça pendant combien de siècles? Non. D'accord? Ça doit rester au soleil seulement pendant un jour. Est-ce qu'on peut préparer la bouteille bien avant de voyager? Ah, vous allez préparer pour aller où? Voyager où? Ça, c'est quelque chose qui se fait sur place pendant 30 jours. Personne ne vous demande de voyager. Non, non, non, non, non, non, non. Si vous savez que votre voyage, c'est dans un mois ou dans deux mois, faites-le. Mais rassurez-vous que ce rite doit être respecté pendant 30 jours. D'accord? Après sa fermentation de 24 heures, vous déposez sur la table pendant 30 jours. Ça doit rester là. Sûrement, vous allez me poser la question, oh, est-ce que les enfants peuvent toucher? Ça n'a rien à voir, ça va être bien encadré. Vous dites aux enfants, pardon, ne touchez pas. Même s'ils touchent, il n'y aura rien de mal. Ça reste là parce que la table est le centre de connexion d'avec vos ancêtres, d'avec les dieux, si vous voulez, vous qui êtes chrétiens, d'avec les génies, les anges et tout ça. Là. Oh. Cette bouteille, en fait, entraîne et attire et va créer la grande lumière blanche, la grande lumière divine. Parce que dans la plupart des maisons des gens, même ceux qui prient là, ils n'ont pas de lumière divine. Hmm? Cette lumière divine, c'est quoi? Mais c'est la quintessence et la rencontre de votre âme avec l'âme de Dieu dans vos béatitudes, dans vos bonnes habitudes, par la destruction du vieil homme, par la dépersonnalisation, l'éloignement des doctrines et des dogmes qui vous embrouillent l'esprit. Vous n'avez plus de confusion, vous êtes carrément en harmonie avec le tout. C'est ça là, ce qu'on appelle la lumière divine. Donc, les anges, Dieu, même Dieu est trop content. Votre Jésus là, il doit même sourire. Le prophète Mahomet, il doit même danser, Alhamdulillah, avec 10 jeunes vierges. C'est ça, ce que j'entends par la grande lumière. Mais donc, cette bouteille, pendant les 30 jours que ça reste là, c'est ce que ça va créer. C'est d'attirer vers vous cette grande lumière et c'est d'attirer vers vous la présence de vos ancêtres. Donc, vous pouvez me poser la question sur les histoires des voyages. Autant faire ça. Oui, le faire. Deux mois avant votre mariage, voyage, voulais-je dire. Valérie nous dit quoi? Maître, peut-on inclure aussi nos enfants en faisant ce rituel? Non! Laissez les enfants de côté, ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Ah, vous voulez dire, les frotter, la chose? Oui, oui, oui, oui, vous pouvez les frotter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les frotter, puisqu'il ne s'agit pas des parties de votre corps, il ne s'agit pas. Mais c'est mieux, je vous conseille pour les enfants d'utiliser leurs propres urines. Vous allez fabriquer, il connaît cette urine, ce n'est pas la première. C'est-à-dire, il vous les laissez d'abord décharger la première, le bouchon d'urine, et l'urine qui vient, vous prenez ça, vous mettez dans le flacon. Pour chaque enfant, et vous laissez ça fermenter pendant au moins une semaine. Et dans cette urine, vous pouvez ajouter un peu de l'ail, si vous voulez. Parce que l'ail est toujours l'élément condensateur, est très puissant, destructeur de tous les bandes de voyous. Alors, chaque enfant peut avoir ça dans sa chambre. Ça, c'est une alternative, hein, indépendamment de ce que les maîtres m'ont dit. Mais bon, ça, c'est des choses que je faisais, que je connais et qui marchent. C'est ce qui sont en train de m'essouffler, là. Oui, oui, oui, vous pouvez le faire. Hmm? Vous pouvez le faire indépendamment. Mais la bouteille, là, c'est dans votre chambre. Laissez les enfants tranquilles en dehors de ça. Vous pouvez faire les urines pour eux. Bien, on dit quoi encore? Le verre reste au chevet du lit combien de temps? Je vous ai dit, si vous m'avez bien suivi, que le verre reste là jusqu'à ce qu'il s'absorbe. Et quand vous allez constater qu'il est absorbé, ça veut dire que les sorciers vous ont visité et un à un va mourir. Alors, vous continuez. Si c'est un truc de 5 litres, ça, là, ça peut vous servir même pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça doit devenir une habitude jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un de machin. Aucun sorcier, les gens, les sorciers vont même vous fuir. Quand ils vont vous regarder la journée, ah, pardon, la sorcière, parce que vous avez mis un piège chez vous. OK? Merci beaucoup, Sodolo Laetitia. Maître, pendant la préparation des 30 jours et lors du rite, peut-on faire le régime de fruits? Bon, et ça, c'est une bonne question, hein? Mais il ne faut pas oublier que ce rite n'a rien à voir avec le rite du vin, où on vous demande des histoires de vous priver, pas de sec, c'est pas de nourriture, de ceci, cela. Non, vous n'êtes pas obligé d'observer tout cela. Non, c'est votre choix. Si vous voulez manger les fruits, c'est votre choix, puisque la bouteille se charge au centre de votre table. Jean-Michel veut faire le bouti. OK. Ben, si vous voulez faire le bouti, c'est une bonne chose. Contactez-moi en privé et puis on va discuter. Moi, je n'initie pas les gens, mais je vais vous envoyer vers les initiateurs. OK. Je suis un initié, mais je n'initie pas. Oh, Rosalie, c'est rien. On se lave dans un seau en fer, alors. Plastique ou c'est pas bon? OK, bonne question. Bon, le seau, on n'a pas dit dedans que... Dans le seau, là, les... Attends, je vais poser la question s'il m'écoute. Non, non, non, ils sont en train de me faire rire. Ils disent que ce n'est pas nécessaire. Que le seau soit en plastique, que le seau soit en fer, il n'y a pas de problème. D'accord? L'essentiel est que le seau soit vert ou soit vert ou blanc. Il vous faut un seau blanc. Voilà. Un seau blanc. Plastique ou en fer, ça importe peu. Donc, le mélange dans la bouteille, là, est constitué de vinaigre, de cidre et de gousse d'ail. Oui. Oh, vous êtes venu où, la petite cerise? Oh, non, il faut suivre la vidéo. Comment vous me posez encore la question? J'ai fait la démonstration ici que ces gousses d'ail-là, on les mélange avec le vinaigre. Resuivez la vidéo. Je peux revenir là-dessus. Le temps est précieux, là. Je ne veux pas faire 2 heures. Pendant un mois, la bouteille doit rester toujours au milieu de la table. Oui. Rodrigue, comme vous voulez, Nessani, amène de Noganda, Oyumba, mon week-end, Oyuganda, non, ma pousse, ne djembao. Eh, Rambe Nessani. Oui, c'est vrai, la crème, voilà une bonne question. Cette crème-là, c'est-à-dire la crème de la bouteille qui est déjà fermentée après les 30 jours, hein, que vous gardez chez vous, vous frottez avant de dormir, oui, même avant d'aller au travail, vous frottez. Et l'autre crème encore que je vous recommande, fabriquez votre propre crème avec vos urines avant d'aller au travail. Si vous n'avez pas la crème, dès que vous avez, avant d'arriver au bureau, là, vous partez à la douche, vous pissez, vous mettez debout, vous pissez sur vos mains. Allez, vous lavez les mains avec vos urines. Partez là. Les gens qui aiment serrer les mains des gens n'importe comment là. Dès que vous serrez la main de quelqu'un, si c'était un sorcier, logiste, bande de voyous, sorcier, c'est fini. Il est carboigné. En fait, il est carboigné, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous atteindre. Parce que l'urine neutralise la à cause du taux d'acidité, à cause de tous les pouvoirs. L'urine est le seul à quelque chose qu'on appelle acide urique. Et cet acide urique tue tous les cancers du monde. Or, les cancers, c'est dans le langage des sorciers, ce sont les démons. Oui, oui, oui. Ce sont les pouvoirs mystiques. Souvenez-vous au début de l'introduction de mon enseignement, je vous disais que la composition du corps, en réalité, la maladie, la sorcellerie, le sorcier, c'est quel corps, eux, ils attaquent. Mais c'est votre corps spirituel, c'est-à-dire votre âme. Lorsque nous ne disposons que des bouteilles plastiques, c'est là. J'ai bien dit, pas de bouteilles plastiques. Je répète, tout est ici. Tout, pas de plastique. Car le sorcier pénètre ce qui est plastique. Voilà, c'est pour cela qu'on vous demande d'être des végétariens. Quand vous êtes un végétarien, vous ne mangez pas trop de viande, le sorcier aura des problèmes pour pénétrer votre corps. Il est prouvé scientifiquement que ceux qui sont végétariens, non seulement ils vivent longtemps, ils ne tombent jamais malades, le sorcier ne peut jamais les pénétrer. Difficilement! Oui, maman, à votre question, je dirais, pas de plastique, hein, ne vous découragez pas, cherchez. Oh, Gaboma, il n'y a pas de problème. Peut-on mettre aussi le verre sous le lit des membres de la famille? J'ai répondu à cette question. C'est sous votre propre lit à vous. Yeah. Sous votre propre lit, monsieur et madame. Vous pouvez pas, sauf si vous faites plusieurs bouteilles maintenant, une bouteille pour l'autre. Non, si vous avez des grands-enfants, oui, eux-mêmes, ils peuvent faire leur bouteille. La bouteille qu'on laisse dehors peut être ouverte ou fermée. Bonne question. Ça, c'est pas grave, elle peut être ouverte ou fermée. Ils viennent me donner la réponse. Vous pouvez laisser ça ouvert ou fermé. Pourquoi? Parce que le soleil pénètre, non pas nécessairement à l'intérieur, mais c'est à travers le verre. Le verre est un moyen de connexion avec les énergies sublimes, divines. Donc, que ce soit ouvert ou fermé, ça importe peu. Faites selon ce qui vous met à l'aise. Après s'être lavé, est-ce qu'on peut s'essuyer avec la serviette? Laver avec quoi? Quand vous êtes lavé de l'eau naturelle, oui. Mais quand vous êtes lavé avec cette eau-là, non. Quand vous êtes lavé avec cette eau qui est mélangée, laissez ça sécher sur votre corps. Ça ressemble un peu au rite que j'ai montré aux gens, le rite du sel rose de l'Himalaya avec la roche volcanique. Mais la différence qu'avec ce rite-là, c'est aussi un rite de protection qui attire la chance, le business, tout vous faire briller, vous voulez être député ou même ministre. Mais ce rite, on nous dit qu'il faut rester pendant 2 heures. Mais avec ce rite ici, non. L'essentiel, je dirais, le maximum, c'est 15 minutes. Ça va avec le chiffre 15, 30, 45, 60. Donc, toutes les 15 minutes. En réalité, en 15 minutes, le corps aura déjà séché. Bonne question. Vous n'avez pas besoin. Il ne faut pas utiliser la serviette, oh, pardon. Sauf si vous faites la douche normale. Bon. Rosalie dit quoi? Je me suis réveillée avant-hier avec un œil tout rouge. Et depuis un temps, je rêve la nuit. On s'enfuit au réveil. Donc, je ne me souviens plus de rêve. Oh. Bon, vous n'avez pas posé une question. C'est une déclaration. Et si nous ne trouvons pas... Oh, William Gama, dans quel pays on ne trouve pas l'ail? Je ne vous ai pas dit que le premier pays au monde qui produisait beaucoup d'ail et beaucoup d'oignons, c'est l'Égypte. L'Égypte antique, ce sont nos ancêtres. Jusqu'à présent, le meilleur ail revient de l'Égypte. Le meilleur riz vient de l'Égypte. Il n'y a aucun pays au monde où on ne trouve pas de l'ail, s'il vous plaît. Il y a l'ail. Même là où je suis aux États-Unis, je vous ai montré, ça c'est de l'ail biologique même. C'est ce qu'il vous faut, biologique. Vous allez trouver, Ngama, il n'y a pas de souci pour ça. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez commander. Vous pouvez répéter combien de fois le rite? Oh, qui vous a demandé de répéter le rite ici, là? Recevez la vidéo, vous êtes venu en retard. Le rite n'est pas à répéter n'importe comment. Vous avez déjà fait la procédure après les 30 jours. Hein? Après les 30 jours. C'est là que vous faites la chose. Donc, chaque soir, si vous voulez le faire chaque soir, ça n'engage que vous, mais vous n'êtes pas obligé. Il s'agit de le faire le lendemain parce que le sorcier, après les 30 jours, je vous ai dit, pendant les 30 jours, vous faites le rite de l'urine, juste pour un blindage minimal, afin que le sorcier ne vous tue pas vite. Mais pendant ces 30 jours que vous préparez la bombe, c'est ce mélange du vinaigre avec l'ail, non? Maintenant, quand vous allez commencer à frotter ça, dès que l'ail a déjà sa présence avec le vinaigre, l'ail qui est déjà chargé par les rayons du soleil de Tetamwanga, car le soleil est une partie du divinique, c'est une partie expressive de la présence divine. Les rayons du soleil représentent l'esprit divin, l'esprit de Dieu, car en Égypte même, on adorait le soleil, mais ce n'est pas qu'on adorait le soleil. Le soleil n'était qu'un réplica de la manifestation expressive du créateur de l'univers. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de répéter les choses, répéter. Vous le faites une fois, c'est bon. Je voudrais savoir comment faire pour mes souvenirs de rêve faire la nuit. Oh, ça c'est un enseignement. Le souvenir de rêve, vous êtes nouvelle, restez abonné là, abonnez-vous. Il y a des vidéos ici là, où je montre justement, il y a des enseignements, et puis veuillez vous abonner. À la fin de cette vidéo là, cliquez à votre droite, vous verrez le forum Telegram. Parce qu'il y a des gens qui viennent toujours me demander « Oh, moi, je n'arrive pas. » Telegram, là-bas, on peut avoir jusqu'à 100 000 membres. Parce que les autres forums, là, sont déjà pleins. OK? Là, vous aurez, dans les forums, là-bas, je donne des techniques, justement, où j'explique cela, des enseignements que je donne comme ça. Mais ici, là, à cause du temps, je ne vais pas rester là 2 heures de temps, n'est-ce pas? Ce que je peux vous dire en résumé, lorsque vous vous réveillez le matin, ne posez jamais n'importe quel pied. Avant de poser le pied droit d'abord par terre, ne mettez pas les mains sur votre visage. Réveillez-vous tranquillement. Faites des respirations profondes. Faites l'effort de vous souvenir du rêve. Si vous ne vous en souvenez pas, insistez. Mais ce qui nous tue, parce que, par exemple, nous qui sommes dans les pays des Blancs, dès qu'on se réveille, je dois aller au travail à 8h. Les enfants doivent aller à l'école à 9h, à 7h15, à 10h. Vous n'avez même pas le temps de prier. Vous êtes déjà pressé. Mais voilà pourquoi vous n'avez pas le souvenir. Donc, l'esprit n'aime pas la précipitation. Et puis, ça là, c'est ce qui fait aussi que vous ne vous souvenez pas des rêves. Et évitez de dormir souvent avec votre téléphone à côté de votre tête. Ça c'est... Oh, Luc, je crois que je ne dors pas, mon gars. Il est là. Donc, vous passez tout votre temps sur les électroniques. Il y a également un enseignement ici. Les électroniques, tout ce qui apparaît électronique, diminue l'efficience ou l'efficacité de manifestation de votre esprit, de vos pouvoirs. Vos pouvoirs diminuent. J'avais donné un enseignement. C'est toujours ici, maman. Toi qui me poses la raison, maman Rose. Tout ce qui apparaît, je ne vais pas vous balader ma caméra dans ma chambre. Tout ce qui apparaît ici, là, tout ce qui est branché. Je débranche même la télé. Je débranche. Tout ce qui est branché. Quand vous allez dormir, débranchez tout. Parce que ça affecte votre esprit. Quand vous allez sortir, si vous rêvez, même vos rêves, vous aurez des cauchemars. Des fois, ça cause de l'électricité. Parce que trop d'électricité, c'est des courants électriques. Ça peut bloquer. Parce que quand vous sortez, c'est votre corps astral. Votre corps astral fonctionne sur des hautes fréquences vibratoires. C'est-à-dire, c'est le courant. C'est du courant électronique. Et je vous l'ai dit, c'est du courant électrique qui fait voyager votre âme dans l'espace et le temps à travers votre corps astral. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est le courant. L'homme est l'être le plus électromagnétiquement chargé. L'être humain est un appareil électromagnétique le plus puissant du monde. On nous a même dit scientifiquement que lorsque monsieur et madame sont dans des ébats, on nous dit que dès qu'il y a cette... Surtout si vous réussissez à le faire ensemble, vous êtes capable d'alimenter 10 villas de 4 chambres. Je dis bien 10 villas de 4 chambres en termes de voltage électrique. Donc c'est pour vous dire que votre corps à vous décharge beaucoup d'électricité. Et c'est pour cela que les sorciers sont à la recherche de votre âme. C'est pour cela que les sorciers cherchent à vous attraper les mains. C'est pour cela que dans les églises, certains pasteurs, je le respecte mes frères religieux, mais certains pasteurs utilisent ces joujoux-là, on appelle ça joujoux, en Afrique de l'Ouest. J'ai vécu longtemps au Ghana et j'y vais tout le temps en Afrique du Sud. J'étais récemment là en Zambie. Pourquoi? À travers votre main, on vous vole l'électricité. À travers votre visage, les photos que vous mettez sur Facebook, n'importe comment, on vous vole vos électricités. Moi, vous verrez, hein, toutes mes photos que je mets sur Facebook, elles sont toutes neuves. Mais aucun sorcier ne peut me pénétrer parce que je sais comment j'ai fait ces photos-là. Je connais des techniques qu'il faut faire. Bref, maman, c'est très important. Oui, il y a effectivement... Il y a des techniques. Il y a des techniques. Voilà. Le titre de la chanson, oh, c'est Maman Pouchi. Maman Pouchi, là, j'ai oublié le titre. Tellement je l'aime aussi. Elle a beaucoup de chansons. On doit faire en lune montante. Non, laissez les histoires de lune. Mamboro. Laisse les histoires de lune montante. Là, dedans, là, il n'y a pas de lune montante. Les histoires de lune montante, quand je vous amène dans les lunes montantes, là, c'est souvent des rites des Indiens. Puisque je suis maintenant dans la pratique de ces magies cérémoniales indiennes et également dans les rites brésiliens. C'est eux qui aiment trop ces histoires-là. Et dans certains rites de magie cérémoniale européenne, on appelle ça eurasienne. On appelle ça eurasienne. Donc c'est un mélange de l'Asie mineure là-bas et des pays de l'Europe du Nord. Parce que moi là-bas, j'ai été également initié par un monsieur là, monsieur Pierre Manouri, un grand sorcier blanc, très bien connu en France là-bas et en Allemagne. Donc, eux, ce sont eux qui insistent sur des histoires de lune, là. Mais ça, là, c'est un rite que j'ai reçu de mes loges, de mes frères noirs africains. Je ne vais pas vous dire le pays. C'est quelque part au niveau de l'Afrique centrale. On fait ça. On n'a pas besoin. Laisse la lune tranquille. Oh, maman, bro. On doit le faire. Non, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que je peux espérer avoir une réponse sur quoi, Michel? Tu as posé quelle question, là-même? Pardon, repose ta question. On utilise le vinaigre de cidre ou blanc. Eh, comme vous avez vu, cidre. Non, pardon. Utiliser le vinaigre, bon, ça c'est. Ça en plus, ce cidre-là, c'est de la pomme de France, ou bien la pomme d'Amérique. Non, laissez-moi les histoires des cidres. Vinaigre, c'est vinaigre. Que ce soit de vinaigre blanc, ou vinaigre rouge, ou vinaigre de vin, vinaigre, c'est vinaigre. Vinaigre veut dire quoi? Retenez, c'est du vin mort, c'est-à-dire c'est le plus vieux vin. Quand le vin est. Ouais, c'est ça là. Ça, ce vin-là, c'est un vin italien qui a été composé en 1999. Bon, c'est pas encore trop vieux. Mais si c'est un... Il y a des vieux vins, par exemple, de 1940. Là, c'est un vieux vin. Si ce n'est pas réservé là-bas dans les caves, eh bien, ça va devenir du vinaigre. Donc, le vinaigre veut dire vieux vin. Okay? Donc, il n'y a pas de problème, que ce soit vin blanc ou vin rouge. Je voulais dire vinaigre blanc ou rouge. Vous pouvez utiliser. Une belle musique, ça me rappelle les ancêtres, de rien. Merci, très cher, de rien. Pour les déplacements, peut-on se déplacer avec la bouteille et le verre sous le lit, prendre un autre verre durant... Maman, non, toi, si tu ne vas pas faire toutes ces gymnastiques-là, tu vas voyager avec... Bon, si la bouteille est déjà chargée, oui, oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est une bonne question. Si la bouteille est déjà chargée, il y en a encore beaucoup, surtout si vous avez une comme ça, là, vous allez amener dans l'avion, vous allez écrire, très important, parce que je suis diabétique. Parce que les gens là-bas vont compliquer, pourquoi tu voyages avec une grosse dame Jeanne? Tu dis non, je suis diabétique, il faut écrire un mot, diabétique, ou bien ceci, cela. Les blancs vont comprendre, oui. Bon, mais évitez ça, là. Et mettez même un litre, c'est bon. Vous pouvez voyager avec un litre. Ça, c'est un litre. Il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez voyager avec ce qu'il y a là-dedans. Et répéter l'opération si possible. Maître, comment faire pour protéger une maison entière? Oh, Joseph, pardon. Aujourd'hui, là, c'était sur ça, là. Ça fait partie. Ça va vous protéger, le sorcier. Puisque vous êtes le chef de la maison, le sorcier ne va plus vous pénétrer. Bon, maître, ce phénomène de sorcellerie, attaque mystique, les blancs le font aussi. Oui, bien sûr. Charger la bouteille au soleil veut dire quoi? Wow! Mon Dieu! Vous étiez où? Pardon, moi je vais partir. J'ai expliqué tout ça au début. La charge, la bouteille veut dire c'est le soleil. Mais comme le soleil symbolise la présence de Dieu, en fait, vous faites une charge solaire. Ça s'appelle la charge solaire. Donc l'énergie de Dieu à travers le soleil rentre dans l'ail avec le vinaigre qui est mélangé là. Voilà comment on fait la charge de cette bouteille. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'ai répondu à votre question. Le vinaigre, on l'achète souvent en bouteille plastique. Donc, oh pardon, n'achetez pas dans les bouteilles plastiques. J'ai été clair. Voilà un vinaigre. Ça, c'est pas en plastique, ça. C'est bien écrit en anglais. Vinaigre. C'est du vinaigre, ça. N'allez pas acheter en plastique. Laissez. Laissez-moi les choix de plastique. Oui, la réponse est oui. Ça, si ça a déjà fait des 30 jours, c'est bon. Si vous êtes en couple, voilà, moi je vais parler de l'histoire des couples là. Parce qu'il y a une femme qui est venue me faire le bruit tout le temps, on rembourse mon argent, oh ya yo, mon mari a dit, oh oh oh. Vous, quand vous rentrez dans mes histoires de spiritualité, il faut d'abord vous asseoir avec votre mari. Pour vous dire que non, moi je suis dans les histoires de M. Mouéré là-bas, c'est la spiritualité, mais il y a des conditions et ceci, cela. Donc entendez-vous, justement, ça fait tombe très bien à pic l'histoire des couples. Si vous êtes en couple, vous pouvez travailler, vous poser la question sur le machin. Chacun fait sa bouteille. Bon, là, il faut vous entendre, maman. C'est une femme qui me pose la question, bien un homme. Ça, c'est un homme. Bon, il faut... Non, un homme, je suis embrouillé là. Oui, c'est un homme. Il faut vous entendre. D'accord? Si votre femme sait bien que vous êtes dans la spiritualité, vous, l'homme, vous êtes dedans, bon, vous pouvez vous entendre. Vous n'avez pas besoin de vous battre. On dort ensemble ici. Non, c'est moi qui vais faire la bouteille. Non, toi, j'ai toi. Non, non, non. Il faut vous entendre. Entendez-vous. Soit c'est vous, l'homme, qui allez le faire, si vous avez le temps. Ou bien c'est la femme, parce que c'est maman qui est toujours à la maison. Ou bien, comme je l'ai dit là, une fois que vous avez fait la bouteille, vous la laissez dehors. Maman ne travaille pas, elle est à la maison. Bon, maman, oh, faut surveiller la bouteille. Il oh. Faut pas qu'un voyou vienne voler. Oui, de temps en temps, il surveille, laisse même la porte ouverte. Pour que le soleil remplisse. Les rayons du soleil rentrent. Et je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de laisser la bouteille ouverte. Retenez cela. Il y a une raison fondamentale, mystico-spirituelle, pour qu'on vous néglige ça. C'est très important. Parce que les rayons solaires, les rayons mystiques ont plus une influence très forte ici. Seules les énergies nocives négatives ne peuvent pas pénétrer le verre. Le diable ne peut pas pénétrer le verre. Seul Dieu peut pénétrer le verre. Seules les énergies positives peuvent pénétrer le verre. Voilà pourquoi on vous dit, évitez de boire de l'eau dans les histoires de bouteilles plastiques. Ce n'est pas bon pour la santé. Il y a une raison, mon Dieu. Vous n'étiez pas au début, mais je fais une démonstration que sur les trois corps que nous avons, le corps physique matériel qui nous permet d'apprécier la vie à travers les cinq sens, le corps divin qui est notre âme, c'est le corps le plus visé qui est le noyau central de l'homme. Et ensuite, ce noyau central de l'homme voyage dans l'espace et le temps à travers un corps qu'on appelle le corps astral. Quand il veut quitter le corps physique pour aller dans d'autres dimensions ou dans d'autres planètes, il utilise le corps astral, ce que les chrétiens appellent la force agissante de Dieu, l'esprit de Dieu. C'est cet esprit qui est dans notre corps, qui nous donne la vitalité à travers les vitamines, la nourriture, les fruits qu'on mange, tout ceci. Ouais. Et les gens qui sont les vrais mystiques, là, qui sont maigres, maigres, minces comme nous autres là, souvent, on a beaucoup plus ces énergies-là. Bon, je n'ai pas dit que les gens qui sont gros, obèses, ils n'ont pas l'esprit. Bon, mais souvent, c'est rare, hein, parce que même... Quand on regarde bien, les vrais mystiques sont souvent maigres comme ça. Pourquoi? Pas maigres, mais minces. Parce que Ben, la matière, la graisse, l'eau, ça n'a plus de pouvoir en eux. Ils ont tellement des énergies. Donc, bref, je suis allé même loin là-bas pour chercher quoi. Utilisez uniquement tout ce qui est à base de verre. Puis-je avoir votre contact? Ah, vous voulez me dire quoi encore? Non, il faut me contacter dans les histoires là-bas. Allez-y sur les forums là-bas, vous allez me contacter. Comment utiliser l'orite pour protéger une maison encore en chantier sans table? Oh, Joseph, vous continuez à poser les mêmes questions. Il ne s'agit pas de ça. On parle d'une protection ici de votre maison. Vous êtes dans la maison, un sorcier qui veut vous attaquer. C'est-à-dire que ce rite-là, même s'il y a la femme, les enfants, le sorcier passe toujours par le chef. Vous voyez? Vous êtes venu en retard. Voilà, maintenant je vais aller à 2 heures. J'évite de parler pendant 2 heures de temps. Resuivez la vidéo. Question de protection de toute une maison. Ça, là, c'est des pratiques qui se font à part. J'ai écrit concernant l'initiation Bouti et je n'ai pas eu de réponse. Vous avez écrit concernant l'initiation Bouti, je ne connais pas, parce que quand vous me dites JP Fan, c'est qui? Moi, je ne connais pas. Il faut vous présenter avec un vrai nom et vous rappeler le vrai problème. J'ai des milliers de personnes qui me contactent à travers le monde. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Oh. Ayez pitié de moi. Maître, pour une personne qui a eu un rapport désagréable après ses parents, blablabla, ce dernier peut exercer ce genre de rite. Mais même si vous avez eu des désagréables, comme vous dites, qu'est-ce que ça y a à voir? Le rite, c'est pour vous. Vous le faites dans votre maison, dans votre appartement. N'importe qui, initié ou non. Voilà, vous êtes venu aussi en retard. J'ai été clair. J'ai dit ce rite-là s'applique aux gens qui ne sont pas des initiés. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ne sont pas des initiés. Même les tradis praticiens, quand le sorcier vient, le tradis praticien aussi est calboigné. Mais moi, là, je vous ai fait la preuve. Mon live au début a été calboigné. Mais dès que je me suis mis à parler, à engueuler mes entités, jusqu'à la fin, là, personne ne va venir calboigner ça. Et je vous dis même que j'ai giflé quelques-uns qui sont au Gabon, là. Vous allez... Bref, ce rite est réservé normalement aux gens qui ne sont pas initiés, c'est-à-dire les religieux, chrétiens, catholiques, musulmans, puisqu'on trouve maintenant même les bouddhistes au Gabon, moi je ne savais pas, donc en Afrique plutôt. Donc ça s'adresse à vous, parce que vous n'êtes pas des initiés. Un initié, c'est un connaissant des grands mystères. Quelqu'un qui fait de l'ésotérisme, du mysticisme, de la haute magie cérémoniale et qui convoque tout même le diable, qui est en harmonie avec toutes les divinités, de toutes les planètes, de toutes les entités et de toutes les dimensions. Voilà pourquoi je dis, ce rite-là s'adresse à ceux qui ne sont pas comme nous. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ce rite-là. Donc, à votre question, ça s'adresse aux non-initiés. Bon, maintenant, si vous êtes initié, oui, il y a aussi initié. Vous pouvez être initié au Bouti, initié, je ne sais pas, de la Rose-Croix, ou des francs-maçonneries, mais que vous êtes un Nyakoué encore. Pardonnez-moi, ce n'est pas une insulte, c'est-à-dire que vous êtes encore un petit. Parce que vous êtes victime des attaques. Moi, je suis victime d'attaques, mais ils n'arrivent pas à me rentrer. Ils passent à travers mes téléphones comme ils ont fait tout à l'heure. Là. Mais là, comme j'ai engueulé, j'ai parlé. Vous les voyez encore venir? Jamais! Voyez-vous, donc ça s'adresse particulièrement aux gens qui ne sont pas initiés. Oui, n'importe qui, oui. Aux non-initiés, si, oui, prioritairement. Maître, quel ingrédient on peut consommer pour se souvenir de ses rêves? Il n'y a pas des histoires des ingrédients là, maman, laisse. L'histoire des ingrédients, c'est pour vous amener dans des histoires des hallucinations pour rien. Même le bois sacré, ça ne se consomme pas pour des histoires comme ça. Le bois sacré, c'est uniquement pour l'initiation. Moi, je dors à même le sol, oh, je fais comment? Oh, ya, yo. Faut mettre donc au chevet de ta tête. Est-ce qu'il est plus préférable de manger des sardines ou des poissons? Ah, pardon, oui, j'ai suggéré cela. Bien, écoutez, je crois que j'ai fini. Les gens viennent me poser des questions, c'est à la fin. Merci beaucoup, que Tétan Monga vous bénisse. Bonne soirée. Je ne voulais pas parler pendant 2 heures, voilà maintenant. On est arrivé à 2 heures. On vous demande d'être à l'heure. Soyez disciplinés. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Que Tétan Monga vous bénisse. Je vous remercie. Je vais conclure. Comme je l'ai dit tout au début. La planète Terre devenant maintenant un terrain de jeu où les gens qui se croient plus malins, plus forts, parce qu'ils ont l'argent, et avec l'argent, ils peuvent s'acheter des démons, avec l'argent, ils peuvent s'acheter des fétiches, des joujoux, avec l'argent, ils peuvent commander même le diable avec l'argent. Et avec ça, ils profitent d'utiliser les autres qui sont innocents. Mais le grand créateur de l'univers, quand il créa ce beau monde, quand il créa cette belle planète, avec tout ce qui y peuple, y compris les entités qui gardent les 4 éléments, les gnomes pour la terre, les salamandres pour l'élément feu, les ondines pour l'élément eau, les elfes pour l'élément air. Donc tous ces 4 éléments-là ont été créés pour qu'ils vivent heureux. Mais aujourd'hui, les salamandres sont en train de pleurer. Aujourd'hui, les salamandres pleurent. Pourquoi? Parce qu'on brûle les forêts. Il n'y a plus d'arbres. Aujourd'hui, les ondines pleurent. Parce que les eaux sont polluées. On met du cadmium, du mercure dans les eaux. On met le pétrole dans les eaux. Et les ondines commencent à fuir. Je vous parle en tant qu'initié. Et ces esprits communiquent avec nous. Les elfes, les esprits de l'air, les pauvres, ils sont menacés. Car même l'air est pollué. Des avions de guerre qui bombardent, qui balancent des missiles à gauche et à droite. L'air est pollué. Les usines de pétrole, oui, j'ai été moi employé du pétrole pendant près de 22 ans. Je sais de quoi je parle. J'ai participé à ces crimes, mais je l'ai confessé. Et que dit-on des gnomes? Les esprits de la terre. Ils sont menacés. On exploite de l'or. On exploite de l'or et on utilise du mercure. Et on pollue la nature. Et ces esprits sont perturbés. Aucun initié, aucun être humain normal, même nos traditionnalistes, c'est-à-dire ceux qui sont initiés dans le djembé, dans le bouiti, quel que soit le degré, n'ont aucune peine de pouvoir nourrir ces entités. N'ont aucune peine de communiquer avec ces entités. D'où la création de cette chaîne. Pour encourager tous mes frères initiés qu'il est grand temps de pouvoir rentrer en communion avec les entités des quatre éléments. Car ces entités sont dans l'air. Ils sont perdus. Ils sont dans la confusion. Ils crient, ils pleurent à travers des gens comme nous autres. Pour qu'on puisse être un avec eux. Comme au début de la création. Mais malheureusement, la planète Terre, qui réunit tous ces quatre éléments, malheureusement, est devenue un stade de pésodrome, du banditisme, de tout le désordre possible. Les gens, quand ils ont eu la chance d'avoir ces petits pouvoirs à travers des loges, et quand je parle des loges, je parle de toute forme de temple. Et nos frères religieux, aujourd'hui, je leur donne raison quand ils commencent à dire que tous nous sommes des sorciers, nous sommes des mauvais. Et le mot sorcier, selon le sens étymologique, c'est celui qui pratique la connaissance, c'est celui qui connaît, c'est celui qui veut sauver l'autre. Celui qui maîtrise le bien et le mal, qui maintient l'équilibre de l'accomplissement du bien et du mal. Parce que le mal ne peut pas vivre sans le bien ne peut pas vivre sans le mal. Mais le mal ne peut être toléré uniquement lorsque cela est nécessaire et que derrière ce mal, on peut trouver le bien. On va tuer la pauvre vache, mais on fait d'abord une cérémonie parce qu'on sait que c'est le mal qu'on a fait. Pourquoi on va priver la pauvre vache de la vie? Mais on sacrifie cette vache, c'est pour sauver sûrement les individus qui vont manger sa viande. Et c'est pour cela qu'il y a des rites. Chez mes frères musulmans, on appelle ça halal, la viande halal, le poisson halal. Parce qu'on a eu au préalable une autorisation de cette bête qui a dit « oui, je l'accepte ». Il n'y a eu aucune résistance. Quand est-ce va-t-on repartir vers cette authenticité et cette originalité afin de maintenir les équilibres des forces de la nature? Car Tetamonga Dibangabanga, qui a créé tout l'univers, il a créé cet univers avec des principes immuables et très organisés. Depuis la nuit des temps, il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il est l'énergie fondamentale. Mais nous, nous sommes sa représentation, nous sommes sa ressemblance, nous sommes son image. De par cet aspect de l'image seulement, comme la carte de roi, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais est-ce que nous agissons comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas? Comme le nombre parfait qu'on appelle le nombre 8. Un zéro en bas, un zéro en haut, car le zéro veut dire le tout, l'unicité. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parce que nous sommes des microcosmes dans le macrocosme. Nous sommes des âmes individuelles qui devons faire tout pour nous universaliser. Devenir un avec le tout, comme le nombre 10 qu'on vient de découvrir à travers les 10 grosses et 10 gousses de l'ail. Voyez-vous, même à travers l'ail, Tetamwanga, le Créateur, nous montre vraiment le prototype de tout. C'est merveilleux. La nature elle-même nous montre et nous donne des leçons. Même l'ail nous donne la leçon. Le vinaigre, il est parti du vin qui est ici, tout jeune, au vin qui est complètement vieilli, calboigné. Vinaigre. Et nous donne des vertus, nous permettent de vivre heureux, à l'abri des attaques, à l'abri de la peur et du besoin. Car en réalité, nous serons à l'abri des attaques des méchants. Ces méchants qui profitent, qui pillent, qui tuent, qui s'en foutent des lois, qui violent les lois karmiques. Et quand je vois mes frères religieux qui s'attaquent à moi, m'insultent, s'insurgent, eux-mêmes ils participent au chaos. Car si réellement vous êtes un vrai religieux, moyen de chercher à se relier à Dieu, vous devez plutôt chercher à développer les grandes vertus divines. Car ces grandes vertus divines, c'est celles qui contribuent à l'équilibre de la vie. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Nous ne pouvons pas avoir la paix dans un monde d'injustice. Nous ne pouvons pas avoir la paix lorsque nous ne nous aimons pas les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres malgré nos différences religieuses, malgré nos philosophies, malgré nos croyances, malgré nos idéaux politiques et autres. Veillons nous aimer les uns les autres, accrochons-nous les uns les autres afin de pouvoir exprimer la divinité universelle, Tetamangalibangabanga, l'être suprême, qui nous a créés à son image, faisant de nous des êtres quand même amoureux de lui et amoureux de la nature, mais soyons amoureux des autres. Aimons-nous d'abord nous-mêmes. Mais lorsque nous transformons nos vies, nous changeons le nez, nous changeons la couleur de nos peaux, nous changeons les cheveux, nous faisons tout ce qui n'est pas normal. Nous voulons aller avec les hommes comme nous, les femmes comme nous. Oui, c'est ça la liberté. Et cette grande liberté parfois amène la confusion. Et de cette confusion, il y aura des équilibres. Et les lois préétablies par Teta Mwanga en souffrent. Pardonnez-moi. Ce serait trop long. Car ce sont les grands maîtres qui sont en train de me parler. Et si je me mets à dire ce qu'ils disent là, on risque de rester encore 2 heures. Je vous aime bien. Soyez tous salués. Bonne soirée. Nous allons clôturer par la bonne musique de chez nous. Et je vous dirai au revoir. Je vous dirai au revoir. Parce que j'ai pitié de mon Afrique. J'ai pitié de mon Afrique. C'est grave. Ah, Teta Mwanga. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Merci beaucoup. Merci, merci, merci, merci encore. Que Tata Monga vous bénisse. Merci, merci, merci beaucoup. Nous nous retrouverons demain pour un autre enseignement. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci.